Liga in Tontine. Ligue 1. Oh, elle est monstrueuse celle-là. Le but de cette finale. C'est fini. C'est fini, le loup Nicolas. Montpellier, le premier Girard, il se brille. Magina, premier mot, premier mot. Ils sont champions de France. Regarde. La bataille était le match. La bataille le match, ce moment-là. On est les champions, putain! On est les champions! Bonjour à tous. Vous écoutez Radio Campus Montpellier et comme tous les lundis, c'est Sport & Chill. Et ce soir, c'est l'épisode 36 de la saison 3 de Sport & Chill. Et aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses, hein, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ce week-end avec de la Formule 1, du rugby, du cyclisme, du tennis et encore plein d'autres choses. Et puis surtout, aujourd'hui, on va parler softball, hein. Donc c'est un descendant du baseball, on y reviendra tout à l'heure avec nos invités. Et avec moi, une équipe, une belle équipe aujourd'hui avec à ma gauche, Guillaume, casquette vissée sur la tête, comme d'habitude. Regard fermé. Un peu de sueur sur le front avec ce temps plus qu'estival. Il est dans son match déjà. Bonjour à tous. Et à côté de toi, nous avons Tim. Salut Tim. Salut à tous. Bonjour. Et en face de toi, c'est Guillaume qui commence à enchaîner avec nous. Guillaume Bis. Pour l'année prochaine, voilà. La sous-marque. On commence à s'intégrer dans l'équipe en fin de saison. Et puis l'année prochaine, titulaire. Voilà. Il prend sa place. Ça a intégré l'équipe A et bientôt sur le terrain. C'est mon petit MB. Le petit jeune qu'on fait jouer en fin de saison. On fait gaffe à des imbougeables ici. Et avec moi, Guillaume qui va co-animer l'émission avec moi. Nous sommes trois Guillaume, c'est la nouvelle du soir. Il aurait aimé s'appeler Guillaume. Hein. Je suis perturbé qu'on ait Guillaume. Donc après trois saisons, je me représente. Romain Grosjean, bien sûr. Romain. Qui est perturbé, pas là. Romain. Assez souvent présent, j'ose le dire. Qui va co-animer avec moi, évidemment. Voilà. Comme on l'avait déjà fait il y a deux mois, c'est vrai que ça s'était bien passé. Et on espère que ce sera encore mieux. En tout cas, on a de nouveau une belle équipe à nos côtés. Et puis, on aura des invités par la suite, donc ça fait bien plaisir. Et puis on se permet de saluer peut-être déjà Flo qui nous passe l'animation exceptionnellement ce soir et pour cause d'anniversaire. Alors joyeux anniversaire, c'est déjà 30 ans. C'est beau, ça avance, mais voilà, je pense qu'on aura un beau programme et on risque de se régaler. Je te laisse enchaîner, Paul. Ben voilà, donc les présentations sont faites, on peut donc passer au résultat de la semaine. Sport & Chill, les résultats. Le chef d'orchestre, mon frère, ce soir. Eh bien, on va passer à la Formule 1. Donc, Guillaume, je me tourne vers toi. Allez, c'était le retour du Grand Prix en France. Ça n'avait pas eu lieu depuis 10 ans, puisque le dernier, c'était 2008, Manicourt. Là, c'était le retour au Castellet. Ça faisait le dernier Grand Prix au Castellet, c'était 90. Victoire d'Alain Prost. L'enjeu, c'était de savoir qui allait lui succéder. Sans surprise, ça a été Hamilton, qui a été le plus rapide ce week-end. Et où nos Français n'ont malheureusement pas vraiment brillé. Et un beau carambolage encore de Grosjean, causé par Grosjean, qui a fait une espèce de coup de volant encore, qui a entraîné la chute de Gasly et Ocon, malheureusement. Deux Français au tapis dès le premier tour. Et puis d'ailleurs, ça allait chercher une 11e place pour Grosjean, une 10e pour Leclerc, donc bon. Pas un Grand Prix très convaincant pour les Français, ni pour Vettel, qui a subi par un excès de confiance lors d'un dépassement, il a subi aussi quelques dégâts et du coup il a dû repartir tout au bout du classement, et il a quand même réussi à remonter jusqu'à la 5e place. Ouais. Et à noter aussi les bonnes perfs des Red Bull qui se placent 2e Verstappen et 4e avec Ricciardo. Raikkonen Center prend la dernière place sur le podium avec cette 3e place. Bottas lui a lui aussi subi quelques dégâts dès le premier tour, mais il n'a pas réussi à remonter aussi haut que Vettel, donc ça a été plus compliqué. À noter un Grand Prix de France quand même qui a été globalement un succès avec beaucoup de monde, un vrai engouement, pas mal de festivités autour du Grand Prix qui ont été très sympas. Par contre, gros point noir, ça a été un petit peu l'organisation et surtout la circulation aux abords du circuit qui est très très compliqué. Des gens sont restés de longues heures sous la chaleur pour accéder à ce circuit. Donc ça, pour en partir aussi. Ouais, j'ai un ami qui est rentré, il était 22h alors qu'il habite ici, hein, donc c'est pas très loin, le Castellet-Montpellier. Mais donc peut-être la logistique est améliorée pour les prochaines années. Beaucoup de choses à faire. Après, voilà, il y a des des trucs qui étaient très bien. Le circuit reste beau et apprécié par tous les pilotes. Les festivités aussi ont été globalement appréciées. Il y avait David Guetta en closing après le Grand Prix, c'est à noter. Mais voilà, la circulation aux alentours du circuit reste à améliorer. Mais bon, globalement, ça reste une note positive. À noter que du coup, Hamilton, qui avait perdu la tête du classement d'un point au circuit précédent, la reprend avec 14 points d'avance, je crois, du coup, vu qu'il a fait cette belle première place et Vettel n'était que 5e. Donc voilà. Hamilton qui reprend la tête. Ce qui nous permet d'espérer sans doute un véritable duel cette année entre Mercedes et Ferrari. Et globalement, oui, parce que encore une fois, Ferrari a une très bonne voiture. Si Vettel n'avait pas fait cette petite erreur lors du premier tour, enfin, on va dire cet excès d'ambition dès le départ, il aurait peut-être pu arracher un podium, voire mieux, parce qu'on a vu qu'il était rapide et qu'il aurait pu y avoir une bataille avec Hamilton. Mais malheureusement, la manœuvre a été un peu trop risquée et il s'est retrouvé à la dernière place. Donc c'était compliqué d'aller chercher beaucoup mieux qu'une cinquième place. Et déception côté français, hein, si on. Et ouais, parce ça a que, été. Donc du coup, Ocon et Gasly sont passés out, au tapis. Grosjean 11e et Leclerc 10e. C'est Leclerc. Et surtout, Esteban Ocon a plus ou moins critiqué Romain Grosjean. Ouais, les deux se sont rentrés dedans. Donc Gasly et Ocon sont rentrés dedans. Voilà, Esteban Ocon, c'est pas Gasly qui l'accuse, mais c'est bien Romain Grosjean. C'est ça. C'est en fait, si je vais essayer de vous décrire la scène, c'est pas facile. Mais Grosjean a eu un coup de volant assez étrange qui a induit en erreur Ocon. Donc il a voulu bifurqué et en ce même temps Gasly était à l'arrière droite et du coup ils se sont touchés et puis derrière ça a été le carambolage. Donc on va dire c'est encore notre Romain national qui a été un petit peu le déclencheur des festivités et du coup ça a rendu un bilan chaque semaine il reprend les limites, voilà. Lui, hein, ouais c'est cette année c'est une belle série qu'il est en train de nous faire. Au moins il a fait un grand prix sur deux, il crée un petit carambolage, donc voilà, là ça a été remettre en question quoi. Ah ben il serait temps, hein, vu elle n'a pas l'air de se remettre en question, hein. j'ai vu l'interview de lui encore avant le début du Grand Prix, il a l'air assez serein, étrangement. C'est son équipe qui va le remettre en question. Et puis je pense oui, parce qu'au bout d'un moment, je crois qu'on est à un ratio d'un Grand Prix sur deux où il casse quelque chose, où il crée un carambolage, donc je pense qu'au bout d'un moment il va falloir se calmer. C'est dommage, parce que on sentait que ces deux jeunes étaient très heureux et très confiants pour ce Grand Prix-là, ils avaient de quoi, ils avaient fait des qualifs plutôt corrects. Ils espéraient faire mieux, mais voilà, il a un petit peu gâché l'essor de cette jeunesse ambitieuse et malheureusement ça s'est terminé dans le fossé pour les deux pilotes français, donc ça a été compliqué. Et ça a sans doute été la grosse déception effectivement du week-end sur ce Grand Prix, juste pour terminer là-dessus, sachant que ces Français, comme tu le dis, avaient des fortes ambitions et que pour avoir vraiment un magnifique Grand Prix de France, même si on n'en doute pas, dans le futur, on peut en espérer des meilleurs et c'est déjà une première étape, mais de ne pas voir l'ensemble de nos Français pouvoir concourir sur l'ensemble du Grand Prix, c'était un petit peu décevant. Et tous les ingrédients, quoi. Retour du Grand Prix de France, Renault qui revenait au devant de la scène, là on a 3 voire 4 on va dire avec le monégasque pilote français, donc c'est vrai qu'il y avait de quoi espérer mieux, mais bon malheureusement Grosjean en a voulu autrement, le pauvre, j'ai pas envie de m'acharner sur lui chaque semaine, mais bon, faut dire les choses, mais globalement un Grand Prix plutôt réussi et Hamilton qui reprend assez largement du coup la tête au classement des pilotes. Bien, merci Guillaume, merci messieurs. On va passer au rugby avec le dernier match de l'équipe de France pour sa tournée chez les All Blacks. Et malheureusement, nouvelle défaite et nouveau naufrage. Romain, qu'est-ce que t'en as pensé toi de ce match ? Allez, on passe au tennis. Tennis. On pourrait presque, parce qu'effectivement, on a l'impression de répéter la même chose semaine après semaine, voire mois après mois avec cette équipe de France. Et c'est vrai que le problème, c'est que chaque semaine la déception est plus grande parce que le scénario est parfois cruel mais un peu attendu, c'est-à-dire qu'on a une équipe de France maintenant et qui l'a prouvé sur ses test matchs d'été qui est capable de rivaliser pendant une mi-temps et même plutôt bien rivaliser pour avoir vu l'ensemble du match. Première mi-temps assez aboutie de l'équipe de France et qui se retrouve menée au score à la mi-temps 21-14 mais de manière pas tout à fait méritée non plus parce que voilà, bon, on va pas reparler, mais il y a un essai un petit peu litigieux. Ouais, et puis surtout que le troisième des Blacks, les Blacks, la différence avec nous, c'est que ils sont hyper réalistes, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils s'incrustent dans les 22 mètres ouais, ça fait mouche, des bleus, quoi. Ça fait mouche, et derrière c'est compliqué de revenir. Ouais, et du coup je pense d'ailleurs que tu fais bien de le dire, c'est un symbole de ce match, c'est que finalement on a eu beaucoup le ballon, on a été capable de marquer, scorer deux fois c'est bien, mais par rapport à ce que les Blacks ont été capables de faire avec si peu de ballon, voilà, ça pouvait c'est annoncer efficace, une seconde mi-temps très compliquée, et puis lorsqu'on a baissé de pied physiquement, on s'est retrouvé vraiment dominé par cette Nouvelle-Zélande qui a déroulé complètement en seconde mi-temps, presque à l'image du premier match de la tournée où on avait pris un 44-0 en seconde mi-temps. Là, ça n'a pas été aussi lourd, mais ça fait 28-0 et on se retrouve voilà, à perdre très très largement ce match alors qu'on avait été vraiment dans le ton pendant la première mi-temps. Ça, c'est souvent ce qu'on dit avec l'équipe de France, on se répète, on a l'impression qu'à un moment donné on arrive à rivaliser, mais au final on craque et on perd. Mental, donc, c'est un signe de faiblesse. Ça pose aussi la question, parce que ces tournées donc, arrivent en fin de saison régulière du top 14, du Coupe d'Europe, etc. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de disputer ces matchs à la fin de l'été quand les joueurs sont fatigués, ils n'ont plus trop de matchs dans les jambes? Ça reste une des questions, on pourrait en faire un débat. C'est le nombre de matchs tests. Forcément sur les Blacks, on ne peut pas faire un match test face à la Nouvelle-Zélande, d'accord, mais en faire plusieurs comme ça, quel est l'intérêt concrètement? Pour le mental, c'est dur. C'est sûr que mentalement, ça peut aussi faire mal. Juste en deux mots, effectivement. Physiquement, mais comme tu dis, les joueurs arrivent à la fin de la saison, ils sont déjà bien entamés après des grosses saisons. Puis mentalement, c'est au fond du trou, à la gasquée, Non, mais c'est sûr que c'est dur en ce moment. Et pour pas lancer tout un débat là-dessus, mais juste en deux mots, j'avais échangé avec Paul à ce sujet. Moi, faire disparaître la tournée d'été, de toute manière, ça me paraît difficile parce que pour ce qui est de l'hémisphère sud, lorsque eux viennent pour les tests d'automne, c'est l'inverse en fait qui se passe. Pourtant, d'ailleurs, ils s'en sortent plutôt pas mal. Et c'est la phase où eux sont en fin de saison. Donc voilà, on est un petit peu contraint de toute manière avec ce rugby qui est découpé un peu entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, où les saisons sont décalées, de jouer des tournées de cette manière-là. Ce qui me dérange plus finalement, surtout avec l'écart de niveau. Voilà, il faut en avoir conscience, actuellement c'est ainsi. Je pense pas forcément que ce soit rendre service à cette équipe de France pour qu'elle se recrée une dynamique et avec de la confiance de jouer trois fois les Blacks. Je dis pas qu'il faut plus les jouer parce que ce sont des grands matchs et il faut que ces joueurs voient ce qu'est le plus haut niveau. Mais ces tournées où on reste en Nouvelle-Zélande pour trois matchs d'affilée, ça fait très mal au moral. Et on voit généralement on est capable de rivaliser à peu près, encore je dis à peu près sur un match, ça a été le cas du deuxième. Mais au final on prend deux autres valises et on prend 127 points en trois matchs. C'est extrêmement lourd et sachant que ça fait partir des joueurs en vacances dans une dynamique et une spirale négative. Et on s'est pris en tout combien d'essais? Je sais plus, plus d'une vingtaine d'essais sur 3 matchs. C'est un truc énorme. Mais il n'y a pas des considérations financières à jouer les All Blacks? Très certainement. Et médiatiques aussi. On sait que Laporte, il aime bien renflouer les caisses avec le 4ème match notamment. Non, après ça reste historique. C'est pas Laporte qui a imposé les 3 matchs depuis toujours, ça y est. Oui, ça y est. Non, mais jouer 3 fois la Nouvelle-Zélande pour le prestige, pour le. Je sais pas, les Non, c'est en fait tous les 4 ans si tu veux. D'abord, t'as la Nouvelle-Zélande, l'année prochaine, sera l'Afrique du Sud, après sera l'Australie, après sera l'Argentine. Tu vois, c'est comme ça. Et là, c'est quoi le. La prochaine échéance, parce que là j'ai l'impression qu'on est en retard quoi. La prochaine échéance, elle arrive rapidement. Il reste 8 matchs à l'équipe de France avant la Coupe du Monde. T'as les 3 matchs en 2019. T'as les 3 matchs de l'automne et ensuite le tournoi. On va charger là. Pour le moment, ça paraît difficile. On est loin, mais voilà, il y a d'autres équipes aussi qui sont en difficulté jusque-là. Et on verra ce que ça donne. On vient de changer de sélectionneur lors du dernier tournoi avec Jacques Brunel. Et c'est vrai qu'il y a du travail et on semble pas prêt pour cette Coupe du Monde 2019 que personnellement. Alors bien sûr, il faut jouer une Coupe du Monde fond, mais j'ai un petit peu peur et je préférais que ce soit un tremplin pour avoir des joueurs qui arriveraient à maturité pour la Coupe du Monde 2023. Ça malheureusement, je pense que pour la génération qui va terminer sur 2019, ce sera difficile. Bon, après, impossible n'est pas français, ça on a l'habitude, même si on a du mal à y croire. Rapidement, il y avait d'autres test matchs, Romain? Oui, il y avait d'autres test matchs. On parlait de tournées où chaque pays pouvait rencontrer trois fois un adversaire assez fort. Ça a été le cas de l'Angleterre qui a joué trois fois en Afrique du Sud et qui l'a emporté lors du dernier match après avoir perdu les deux premiers, donc les Anglais qui terminent plutôt sur une bonne note en l'emportant 25-10. L'Écosse est venue à bout de l'Argentine en leur mettant même une belle dérouillée sur le score de 44-15, comme quoi les nations du Nord sont quand même fort. Ce que j'allais dire, au final, à part la France, toutes les nations du Nord ont gagné. C'est ça. L'Irlande également s'est imposée en Australie samedi à Sydney, auteur d'un beau match et remporte 20-16 donc ce match, mais décroche la série de test matchs, c'est-à-dire qu'ils ont remporté 2 matchs sur 3, ce qu'ils n'avaient pas réalisé depuis 40 ans. 39 ans exactement. Ouais, 39 ans pour être précis. Donc belle perf, effectivement. Voilà, la France repart avec ses difficultés et des valises dans cette tournée. À l'inverse, bon, certes pas contre la Nouvelle-Zélande, mais les nations européennes, à noter l'Écosse, l'Irlande et l'Angleterre, ont montré de belles promesses pour la prochaine Coupe du Monde 2019. Et l'Irlande confirme qu'elle aura été la meilleure équipe européenne de cette saison. Bien, merci Romain. Du c'est coup, beau. On quitte le ballon ovale, on va se rapprocher de la petite balle jaune. Cette transition. Tim, donc avec le tournoi de Halle, du Queens et surtout l'élection, enfin l'élection. On a la nomination. La nomination. Je vais chercher le mot. Merci Romain. D'Amélie Mauresmo et de Julien Benneteau à la tête de l'équipe de France de Coupe Davis. Ouais, c'est. T'as raison de le dire. Je pense que c'est l'info de la semaine pour les Français. Du coup, ça fait. On va avoir une sélectionneur féminine pour entraîner les Français. Les joueurs français masculins et du coup un entraîneur masculin pour entraîner les joueuses féminines. Ça mixte. Donc assez paradoxal, mais je pense que c'est plutôt une bonne chose de mettre Mauresmo, sachant que c'est une joueuse qui a vraiment du crédit auprès des joueurs et une vraie légitimité. Et après Benneteau, je suis curieux de voir ça aussi. Je pense qu'il peut avoir un vrai rôle de conseiller et de manager avec un peu plus de poids que ses prédécesseurs. Parce que là actuellement l'équipe de Fed Cup elle est vraiment au plus bas. Donc je pense qu'il peut, ça lui peut vraiment faire du bien. Pour ce qui est des résultats, je vais commencer par le moins intéressant. Birmingham, ça va vous? Où c'est Kvitova qui a défendu son titre face à Rybarikova, 4-6, 6-1, 6-2. Donc il conserve son titre, qui se classe à la 4ème place mondiale. A noter le titre en double de Kiki Mladenovic et Chimia Babos. Ah ben, bah, il était temps qu'elle gagne un titre celle-là. Ouais, bon, c'est pas en simple. Elle a gagné l'Open d'Australie quand même. Elle est bonne qu'en double quoi. Ouais, mais c'est un peu le problème. Faut commencer à se mettre en question quoi. Assez réaliste pour le coup. Salut. Ça mon avis. Et après, il y avait le tournoi de Halle, hein, le tournoi favori de Roger, qui malheureusement s'est incliné en finale face à Borna Koric. 7-6, 3-6, 6-2, pardon. Ça va toi? Et du coup, Roger qui repasse numéro 2 mondial, puisqu'il avait gagné le tournoi l'année dernière. Il sera quand même tête de série numéro 1 à Wimbledon, puisque c'est les organisateurs qui décident les têtes de série là-bas, c'est pas en fonction du classement. Bah, ils ont dit exact. Ah bon? Ouais, d'accord. Bah c'est, ça non, suit non, à peu près, mais bon, au final, ça, c'est, les Anglais font toujours différemment. Ouais, d'ailleurs, ils ont fait un truc super débile, Wimbledon, c'est que la finale est programmée en même temps que la finale du monde et l'organisateur n'a pas voulu changer la date. Ouais, bah, en même temps. En même temps, la même horaire. Voilà, ils ont dit ceux qui ont le tennis, vous regardez le tennis. Concrètement, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de monde devant Wimbledon. Quoi. Écoute, tu nous l'apprends. Voilà. Et tu sais que quand j'apprends aux autres, j'en apprends un peu plus sur moi. Bah, allez, voilà, allez. C'était la punchline. Je devais la glisser, c'était un défi. Voilà. C'était un défi, ouais. Merci. Et dernière info, il y avait le Queens aussi, où Cilic a battu Djokovic 5-7, 7-6, 6-3. Gros tournoi de la part de Cilic. Et de Djoko aussi. De Djoko aussi, qui toujours vraiment noté. Revient très bien. Ouais. Petit à petit. Hein. Petite anecdote, c'est Nick Kyrgios, je ne sais pas si vous avez vu, mais. Ah, belle, ouais, j'ai vu, ouais. Vraiment en roue libre. Et déjà, je crois que c'est au match 3, ou enfin, en quart. Pendant le match, le mec imite le service de Gaël Monfils et de Roger Federer. Vraiment comme ça, pour s'amuser, tu vois. Et en demi-finale, ce con, au changement de côté. Il faut dire les choses à l'oeil, s'il te plaît. Ça va faire mal, ce que je veux dire, mais ouais, il imite un geste de masturbation et avec une bouteille, et bah, il a pris une énorme amende et il va être suspendu. Malin celui-là à titre conservatoire. Il a du mal à se calmer. Puis Kyrgios. Bah il est très très très très immature quoi. Moi j'aime bien ce joueur aussi, mais on peut le dire. Ouais, il a pas un gros cerveau. Ouais. Ouais. Ah, bah, comme c'est tant pis là. Et petite info, le tournoi de Montpellier féminin qui s'est déroulé ce week-end a été remporté par Fiona Ferro qui a tout passé à un tour à. Il y avait un tour de tennis à Montpellier. Ah ouais, un petit $25,000. Et elle avait passé un tour à Roland Garros il me semble, et donc elle a remporté son deuxième tournoi futur. Tout à fait. De rang. Tu fais bien de le souligner, merci. Romain, je me tourne vers toi. T'as fini, Tim? J'ai fini, c'est bon. Page tennis, on peut la tourner. Du coup, merci, Timothée. Page cyclisme qu'on peut ouvrir avec page Romain. Page cyclisme, effectivement, est assez différente de ce qu'on a pu faire par le passé, sachant qu'on va surtout parler du Tour de France. Alors, je donne quelques petits résultats, mais vraiment, en bref, on ne parlera pas des scénarios des courses. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment les vainqueurs, pour le coup. C'était les championnats nationaux qui donc permettent de remettre un maillot distinctif que sera porté par le coureur pour représenter son pays pendant toute la saison, suivante. C'est un peu paradoxal au cyclisme, parce qu'il porte ce maillot à partir du moment où il remporte le championnat national. nationale, donc jusqu'à l'année prochaine au mois de juin, et qui ont sacré donc Gorka Izagirre, champion d'Espagne devant Valverde et Omar Fraile, Yves Lampaert, champion de Belgique devant Gilbert, donc beau duel, beau doublé pour l'équipe Quick-Step. Ensuite Peter Sagan, à nouveau champion de Slovaquie pour la sixième fois, assez tranquille effectivement. De toute façon il faut le dire, hein, il est un petit peu difficile en Slovaquie d'arriver à lutter face à Peter Sagan. Et à noter d'ailleurs que celui-ci portera du coup jusqu'à la saison prochaine un maillot distinctif, et qu'il n'a plus porté du coup le maillot de son équipe, sachant qu'il porte celui de champion de Slovaquie et actuellement celui de champion du monde pour la troisième fois consécutive depuis 2011. Donc petite stat pour le sponsor. Solide. Ton meilleur coureur, il a pas le sponsor sur le dos, c'est moyen. Depuis plus de 7 ans, sachant qu'il a évidemment sponsor sur le dos, mais il a pas la couleur du maillot qu'ont les autres. Ouais, mais c'est moins visible quand même. Et ensuite, donc le sujet qui est le nôtre aujourd'hui, c'est parler un peu de ce Tour de France, parce que les équipes sont en train de tomber pour ce tour. Donc on a les principales têtes d'affiche. Pour citer que les grands leaders pour le classement général, il y aura donc pour ce Tour de France un très beau plateau. Romain Bardet, Warren Barguil, même si celui-ci pour les Français, ne devrait pas a priori côté français jouer le général, c'est ce qu'il dit. Ah mais bon, il pourrait nous surprendre. Il a pas l'équipe surtout. Il a peut-être pas l'équipe autour de lui. Et puis côté coureur étranger de renom, Adam Yates, Jakob Fuglsang, Vincenzo Nibali, Richie Porte, Rigoberto Urán, second du dernier Tour de France, ou encore Mikel Landa, Nairo Quintana, Alejandro Valverde, Christopher Froome, Tom Dumoulin. Donc c'est les deux premiers, Christopher Froome et Tom Dumoulin, du dernier Tour d'Italie. Et encore, je note Fabio Aru, Dan Martin aussi, Chris Froome a un petit problème technique. Guérin Thomas sera là, bien sûr, pour le suppléer. Donc ça, c'est des belles têtes d'affiche. On pourrait peut-être se tourner vers un duel entre la Movistar et l'équipe Sky. Oui, avec deux armadas, je l'ai cité, donc Landa, Valverde, Quintana, Movistar, et le duo Chris Froome, Guérin Thomas, qui et toute l'équipe qui aura autour, et avec Bernal, Bernal. Est-ce que Bernal, voilà, normalement devait le faire. J'ai pas vu son nom parce que l'effectif de l'équipe Sky a pas été donné officiellement, mais qui devrait faire aussi très mal lors de ce Tour de France. Et donc parlons de nos Français avec une question. Pensez-vous, je pense du coup notamment à ceux qui suivent un petit peu le cyclisme de près, parce que pour les autres concurrents, que ce soit difficile. Je suis là, je t'écoute. Mais que Romain Bardet est bien épaulé pour aller chercher un Tour de France, ou du moins un podium lors du prochain tour. À citer donc l'équipe AG2R, Romain Bardet, Sylvain Dillier, qui a été deuxième du dernier Paris-Roubaix, Axel Domon, Tony Galopin, Alexandre Géniez, Pierre Latour pour la montagne, Oliver Nassen et Alexis Villermoz. A noter notamment donc les deux sélections de Nassen et Dillier pour l'étape, la fameuse étape des pavés. Qu'explique ce choix? Tu l'as dit, j'allais en parler. Il a une solide équipe autour de lui, je pense, qui est taillée pour la montagne avec Axel Domon, Pierre Latour et Villermoz, qui sont des spécialistes de la montagne. Tony Galopin, lui, pourra l'aider sur les étapes. Il fera aussi office de faux follet, je pense, mais il pourra l'aider sur les étapes. Exactement. Un petit peu vallonné, merci Guillaume. Et puis Olivier Nassen et surtout Sylvain Dillier, qui seront là pour le soutenir dans des étapes de plus plates, et surtout la fameuse, je crois, sa dixième étape où il y aura l'étape des pavés. Genre de la finale de la Coupe du Monde. Ils ont tout mis ce jour-là. Aussi, ouais. Franchement, voilà, c'est défini. On fait des choix. Et la vie est faite de choix, les enfants. Donc, évidemment, pour ceux qui ont des amis qui aiment le sport, j'imagine. D'ailleurs, je pense qu'ils seront pas très présents ce jour, bizarrement. Ça va utiliser les tablettes là. Et aussi Alexandre Géniez, c'était une des questions, parce que Géniez, qui a disputé le Giro, il a terminé 11e, je crois d'ailleurs, premier français. Il a été aligné non seulement pour l'aide dans la montagne, mais surtout parce qu'il est intéressant et puissant dans l'exercice du contre-la-montre, et il pourra se donner un coup de main à Romain Bardet lors du contre-la-montre par équipe. Donc voilà, ça c'était pour le cyclisme. Rapidement, un petit mot sur le basket. Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter sur le vélo. Non, on était tout bon. Donc pour revenir au basket, il y avait la finale de Pro A, donc qui est la Jeep Elite. J'attendais ça avec impatience. Ouais. Avec la victoire du Mans pour la cinquième fois de son histoire contre Monaco lors du match 5, remporté 76-74 sur le Rocher. Le Mans avait pourtant débuté ses playoffs sur une défaite à domicile face à l'Asvel il y a un mois. Et d'ailleurs, on craignait un peu pour la suite de la compétition pour les Manceaux. Et au final, c'est une surprise, puisque les Monégasques, chez eux, ils partaient favoris pour en tant que leader de la saison régulière, et ils ont perdu contre les troisièmes de la saison régulière, qui donc finalement ce sont les Manceaux qui remportent cette Jeep Elite. Et à noter que les Strasbourgeois, qui ont fait 4 finales consécutives, ont trouvé un moyen de ne pas perdre une cinquième finale. Ils se sont fait éliminer en demi. En demi, ouais, c'est ça. Voilà celui-là. Bonne petite technique. Bien vu. Ah, parce que là, ça devenait. Ouais, très récurrent. À la malédiction. Ouais. Voilà, clairement, quoi. Oui, et du coup, continuons sur le basket. On se l'a un petit peu divisé pour Paul, et ça va pas vous surprendre que je fasse cette partie-là, sachant que j'ai annoncé le titre de champion d'Espagne, sans surprise, du Real Madrid qui l'a emporté après avoir remporté l'Euroleague. Comme si ça a été Barcelone, il l'aurait pas cité. Tout comme les footballeurs. Non, j'aurais peut-être dit quand même. Pas exhaustif, pas sûr. Tout comme les footballeurs l'avaient fait pour la Ligue des Champions. Donc, après la victoire dans l'Euroleague en mai, ils ont mis la main mardi dernier sur leur 34e titre de champion d'Espagne en remportant le match 4 des finales, contre Baskonia, c'est le club de Vitoria Gasteiz au Pays Basque. Et à noter que le prodige slovène Doncic n'a pas déçu. Déjà décisif au match précédent, il a cette fois-ci inscrit le panier du titre d'un improbable tir à 3 points pris sur une jambe à un peu plus de 2 minutes du buzzer. Auteur de 27 points également, l'Espagnol qui nous a déjà bien fait mal à la France dans d'autres compétitions, Rudy Fernandez, a été logiquement élu MVP des finales. Un Français à noter dans ce Real Madrid qui est Fabien Causeur. Ah oui, exactement. Et qui a également été auteur de 6 points en 10 minutes. Je termine avant de te laisser faire la news française sur la draft NBA. Mais sachant que c'est la transition par rapport au Real, j'ai parlé de Doncic, à noter donc que je dis beaucoup ça, et Real. Je vais essayer d'arrêter. Luka Doncic, meneur et arrière slovène de 19 ans du Real Madrid, a signé au Dallas Mavericks, pourtant drafté dans un premier temps par les Hawks d'Atlanta. On sort de la misère. Enfin. Tu parles de draft, et il y a le jeune Eli Okobo qui a été drafté par les Suns, donc Phoenix, et qui bénéficie d'un contrat garanti au NBA. Ouais, ils ont fini dernier. Voilà, gros projet aux Suns là. Le jeune français signe un bail de 4 ans et de 6 millions de dollars. C'est une jolie ville. Dans l'Arizona. Bon courage. En bref, on parlait de golf et de volley. Romain. En bref, les deux derniers sports du soir, à part si les chroniqueurs auront. Il y a la boxe aussi, un gros combat ce week-end là. Auront d'autres infos, mais bien sûr, on terminera d'ailleurs sur la boxe, même si je sais que ça fait un peu rire mon ami Guy qui voit ce combat peut-être d'un autre œil, mais il nous le dira. Tiens, pour terminer avant la première pause musicale du soir, et donc le golf, j'y reviens avec un renversement de situation lors du Travelers Championship. Où Bubba Watson a gommé 6 coups de retard dimanche pour finalement s'imposer assez largement. Déception pour Paul Casey qui termine deuxième et qui était nettement en tête de ce que j'ai pu en voir. Je suis pas un expert, vous le savez, pour le coup. Oh non, alors Brooks Koepka, on l'avait pas dit les autres semaines, quant à lui, a réussi l'exploit de conserver son titre à l'US Open. Alors c'était le 18 juin dernier, donc c'était avant l'émission précédente, mais sachant que c'est l'US Open et qu'on n'avait pas parlé de golf, je me permets de parler de ce titre majeur. Et donc l'Américain n'a jamais paru en danger dans un dernier tour dominé de la tête et des épaules, et Tommy Fleetwood a remporté, s'est offert la deuxième place devant Dustin Johnson et le premier français de cette US Open. C'est un peu difficile encore pour nos Français, mais c'est un beau résultat pour lui. Mathieu Pavon termine à la 25e place. Donc ça, c'était pour la petite page golf. Et un dernier mot sur le volley et on sera bon. Et concernant le volley, avant d'arriver à la petite mini box, bien sûr. Bien sûr. Toute petite minute. Nous avions un week-end. Mais lui-même m'avait dit 30 secondes, pas plus. Le week-end nous a offert des matchs de volley. C'était la Ligue des Nations. Tiens, ça doit parler à nos amis footballeurs aussi qui voient arriver la Ligue des Nations au foot. Avec trois matchs qui avaient lieu. C'était les trois derniers matchs de poule. Et un bilan assez positif pour les Français. 2 victoires pour une défaite. Il termine d'ailleurs en tête de la poule de la Ligue des Nations. Ils ont remporté le match donc face aux États-Unis, c'était vendredi soir, 3-7-2. Ensuite, avant de s'effondrer un petit peu lors du deuxième match contre l'Italie, avec une défaite 3-0 à Modène, c'était en Italie quand même à noter l'ensemble de ces matchs, donc un petit peu difficile. Et la France aura finalement bien terminé pour la 15e et dernière journée de la phase de poule en s'imposant imposant assez largement contre la Russie, qui avait pourtant pris la tête de la Ligue des Nations la veille, sur le score de 3-7 à 0. Elle termine ainsi première de cette phase de poule, comme je vous le disais. 3-0 aussi pour la Russie. Voilà. Et à dire aussi que voilà, la phase finale, qui sera le Final Six, ça s'appelle ainsi, aura lieu à Lille en France. Donc la France jouera à domicile du 4 au 8 juillet. Bel événement à Lille pour cette Ligue des Nations. Et effectivement, on ne cesse d'avoir des grands événements ouais, à Lille dans le sport français. Et à Paris, il y avait un grand événement aussi ce week-end. C'était le cinquième combat de Tony Yoka face à un grand amateur de bière. Même amour pour de la bière que moi, je il crois. Il avait un bide, le gars. C'est, ouais, voilà, plus de bide que moi, faut le faire. Et, en même temps, c'était l'anglais David Allen. Il est anglais. Palmarès, ouais, ouais, c'est logique. Ça va de soi. Palmarès mitigé, une victoire pas si facile que ça finalement, vu qu'il il l'a emporté par KO technique dans le dernier round. Donc voilà, on commence à se demander s'il y a une cohérence dans cette carrière pour l'instant. Ça monte pas en puissance. On disait que c'était un des adversaires un peu plus relevé des ambitions. C'était le sparring partner de Anthony Joshua. C'est pour oui, ça que c'était intéressant. Il y a un petit moment, ouais. Et le truc, c'est que il y avait une petite montée du niveau des adversaires, mais là on est un petit peu redescendu, donc en pleine montée, quoi. Et là, il est voilà, c'est en redescente plutôt pour Montoni. Donc voilà, on commence à se demander quand on aura pas forcément un champion du monde en face de lui, mais un boxeur cohérent, un peu plus, avec ouais, un, voilà, peu un peu plus incisif, qui peut le mettre en danger, parce que bon, on part du principe que pour progresser, il faut quand même avoir des combats un petit peu plus relevés les uns que les autres au fur et à mesure du temps. Combat formateur finalement. Voilà, c'est quand même important pour grandir dans une carrière. Et bon, certes, on est dur avec lui parce que voilà, on a envie que vite on y arrive à ce championnat du monde. Mais bon, faut pas suivre l'exemple de la plupart des boxeurs qui eux, faut pas brûler les ailes non plus. Ouais. Pas tous les ailes. On prend le temps, on fait beaucoup de combats contre pas forcément des gros clients pour arriver un jour au sommet. Bon, les mots faut regarder aussi fait. L'exemple des temps modernes. Il y a beaucoup de champions olympiques qui vont assez vite. Vers des combats plus difficiles, les échéances mondiales. Donc voilà, prendre exemple plutôt sur ça, parce qu'après on risque de s'enliser et de pas vraiment progresser. Donc si on veut voir Tony Yoka champion du monde dans cette décennie, il faudrait commencer à accélérer le pas et affronter des adversaires un peu plus cohérents que l'amateur de bière du week-end. D'ailleurs, ce qui peut paraître surprenant, j'ai lu que celui-ci avait annoncé, alors courte hein, a priori, je parle de Tony Yoka, qu'il mettait une petite pause à sa carrière au niveau pro. En termes d'intensité, ouais, après ses 5 premiers matchs. C'est-à-dire que c'est la FLD qui va le mettre en pause. Il va sûrement être suspendu. Oui, il y a peut-être ça aussi derrière. Mais oui, moi, je restais sur la déclaration de Tony Yoka lui-même. Et puis, dernière chose, je considère qu'on a réussi finalement à pas mal parler de ce combat pour quelque chose qui... Oui, c'est déjà pas mal de secondes, messieurs. J'ai du mal à les regarder, mais au moins, j'ai réservé le résumé. Je pouvais en parler un petit peu. Bien, merci, messieurs. Il n'y a pas grand-chose à voir. Merci, Guillaume. Comme toujours. Alors maintenant, de passer à la première pause musicale concoctée par notre DJ Spartan Chill de Team. Comme Tony. Genius of Time de Voxshot. It's De retour sur Sport and Chill, c'était Vox Shot de Genius of Time, et non pas l'inverse comme je l'ai dit. C'est l'heure maintenant de passer à l'invité, aux invités, Jiggle invité. Sport and Chill, l'interview. L'interview Chill. Et aujourd'hui, on va parler de softball, donc un sport un peu dérivé du baseball. Et avec moi, j'ai deux invités, donc Farah Saïdi. Bonjour Farah. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, ben, j'ai 24 ans, je suis joueuse de softball, joueuse de haut niveau. J'ai fait les équipes de France Jeunes, Pôle France. Et maintenant, je suis sur Montpellier pour mes études. Et du coup, j'entraîne et je joue avec l'équipe de softball féminine de Montpellier. D'accord, très bien. Et à côté de toi, donc, il y a Sylvain, Sylvain Perrin. Bonjour Sylvain. Bonjour. Donc, est-ce que pareil, tu peux te présenter en deux mots? Ouais, j'ai 22 ans, je joue en première division depuis 5 ans. Je suis passé par le Pôle France, une académie universitaire. Et là, je coach l'équipe de moins de 15 ans et le Pôle Espoir de Montpellier. D'accord. Et tu joues en équipe de France U23, c'est ça? C'est ça. J'ai fait U15, U18 et U23 l'été dernier. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter un peu la spécificité de ce sport? Donc, Farah, si tu peux nous dire par exemple la différence avec le baseball? Bah, le terrain de soft est un peu plus petit. Pour donner un ordre d'idée, le carré, ce qu'on appelle le carré en baseball, c'est 27 mètres par 27 mètres. En soft, c'est 18 par 18. Donc c'est vraiment un jeu qui est du coup beaucoup plus court, beaucoup plus rapide. Du coup, c'est les mêmes règles de base, mais forcément, vu que le terrain est plus petit, il y a des petites spécificités qui sont rajoutées, mais rien de bien bien méchant. Après, la balle de softball est plus grosse que la balle de baseball. Une balle de baseball, c'est 9 pouces. Une balle de softball, c'est 12 pouces de circonférence. D'accord. C'est quand même un peu plus gros. Et puis, la mise en jeu, donc la lanceuse ou le lanceur, met la balle en jeu par en dessous en effectuant un moulinet, donc en dessous de l'épaule. Tandis qu'au baseball, c'est un relais par au-dessus, comme on a déjà vu dans les films ou comme on lancerait une balle simplement, quoi. D'accord, je vois. Et est-ce qu'il y a un système de points qui change au softball? Non, il n'y a pas de différence, c'est les mêmes règles, en termes de points. Dès qu'on fait le tour des 4 bases, ça fait un point. Est-ce qu'il y a des postes différents? Non, c'est les mêmes postes, à part la spécificité du lanceur. Ouais. Sinon, le reste... Il y a combien les postes, c'est quoi au softball, pour ceux qui ne connaissent pas? Il y a le lanceur, le receveur, ouais. La première base, deuxième base, troisième base. Ouais. T'as un joueur qui s'appelle le shortstop, qui est entre le deuxième base et troisième base. Et ensuite, après, t'as les champs qui sont loin, champ centre, champ droit et champ gauche. Et ça fait combien? Ça fait du 8 contre 8? 9 contre 9. 9 contre 9. D'accord. J'ai presque le compte, ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le softball, ça souffre de sa concurrence avec le baseball? Est-ce que vous diriez que le softball est un peu moins réputé que le baseball? Disons que déjà en France, le baseball n'est pas très très connu. Donc quand on dit, je fais du baseball pour résumer, on me dit, ça existe ça? Alors quand je rentre dans les détails, je dis en fait je fais du softball. On me dit quoi? Et c'est complètement différent tout ça. Alors non, on explique. C'est vrai que si on n'est pas dans notre passion, si on ne vit pas de notre sport, tout ça, c'est compliqué de se rendre compte de ça. Mais il y a beaucoup plus en plus de monde qui joue au soft parce que notamment les filles ne sont pas autorisées à jouer au baseball à haut niveau en France. Donc les filles se tournent vers le softball et il y a de plus en plus de gars qui après avoir fait un certain temps de carrière dans le baseball s'orientent vers le soft. Parce que c'est une vision de jeu qui est différente, qui recherche un peu plus d'adrénaline ou un peu plus, je sais pas. Et du coup, on a de plus en plus de joueurs de softball. Et donc, c'est en pleine expansion, on peut dire, mais on est encore loin de... Du baseball. Du baseball, oui. Et des autres sports beaucoup plus connus chez nous. Et pourtant, le softball a été olympique, on y reviendra un peu plus tard. Est-ce que il y a autant d'hommes que de femmes qui jouent aujourd'hui au softball? Ou est-ce que c'est un peu plus masculin que féminin? Je dirais plus un peu plus féminin que masculin. Ouais. Bah en fait jusqu'à il y a peut-être 3-4 ans je dirais, les filles à partir de 16 ans elles n'étaient plus autorisées à jouer au baseball du tout. Donc c'était une fois que tu as fini les équipes jeunes, tu passes et tu vas faire du softball. Donc toutes les filles de ma génération à peu près, un peu plus jeunes même, elles ont été obligées de se tourner vers le softball. Certaines maintenant plus jeunes font un peu de baseball comme ça. À côté de ça les gars ils font du baseball et on les laisse faire du baseball donc... Il y a des pratiques mixtes qui sont mises en place, par exemple on a une équipe mixte à Montpellier. Ouais. Mais je pense qu'il y a quand même un peu plus de filles qui pratiquent. Alors justement, est-ce que c'est une spécificité du softball? Parce qu'à Montpellier, donc vous faites partie de la même structure que les Barracudas de Montpellier, donc c'est aussi du baseball. Oui. Vous avez une équipe masculine, une équipe féminine et aussi une équipe mixte. Est-ce que c'est justement une spécificité du softball? Oui, tout à fait. En fait, le mixte est plus en mode un peu loisir. on a un championnat qui se joue l'hiver. On a la chance d'être dans une belle région, on peut jouer l'hiver. Je suis originaire de Lyon, chez moi c'était pas possible. D'accord. Et donc ici on a une belle région, on peut jouer l'hiver et on fait un championnat mixte de octobre à janvier. Et du coup c'est plus à la cool pour faire plus de matchs avec les équipes. Et on va jusqu'à Perpignan ou Toulouse et de l'autre côté jusqu'à Beaucaire. Et on essaye voilà, de faire un maximum de matchs pour développer notre sport. Quelles sont vos relations, vous, avec les autres équipes, par exemple, de baseball? Est-ce que vous entraînez ensemble des fois? Est-ce que ça vous arrive d'avoir les entraînements communs, des préparations physiques ensemble en même temps ou pas? Non. Non. Non. C'est un peu, y a un peu, ouais, y a un peu de, un conflit, une rivalité. C'est pas un conflit parce qu'on fait partie du même club et c'est la même fédé. Donc on a quand même cette même passion de sport de batte. Mais... Vous vous mélangez pas, quoi? En dehors, oui. Mais après, au niveau des entraînements, vu qu'il y a certains trucs qui diffèrent, c'est séparé. Mais après, ça ne nous empêche pas de parler de nos passions ensemble, de se voir après les matchs. On va voir les matchs de baseball et les joueurs de baseball viennent voir le match de soft. C'est assez cool, quoi. Est-ce que, par contre, pour vous, ça change quelque chose de jouer parfois en format mixte l'hiver que jouer seulement équipe masculine, équipe féminine? Enfin, qu'est-ce que ça change pour vous au-delà de l'aspect loisir? Est-ce que, justement, il y a peut-être, j'en sais rien, des qualités particulières qu'ont les filles ou qu'ont les garçons dans ce sport et qui peuvent apporter aux autres? Enfin, il y a des écarts entre la pratique féminine et masculine. Ça change un peu la dynamique de jeu, forcément, les gars. Ouais. Ils sont on va pas se mentir. Enfin, une fille, elle aura jamais le physique d'un homme. Donc oui, ça change la dynamique de jeu. Mais après, je pense que nous, quand on joue, on l'aborde vraiment en mode à la cool. Après, moi, quand je joue en première division, je l'aborde pas du tout de la même manière que quand je joue... Quand je joue en mix, mais parce que après c'est aussi pas les mêmes enjeux et du coup oui forcément on s'adapte mais. Et sinon du coup quelles autres compétitions vous avez? Il y a un championnat qui est un championnat national. Enfin il y a une division 1 masculine, division 1 féminine. Il y a d'autres compétitions d'importance que ce soit au niveau national ou international. Au niveau du baseball, on a le championnat de France qui permet aussi d'avoir après accès à une Coupe d'Europe si on le remporte. Et aussi le Change de France, c'est un peu comme la Coupe de France, qui offre aussi une place en Coupe d'Europe pour l'année prochaine. Et du coup, le challenge se dure sur 4 jours. Et c'est un tournoi où il y a toutes les meilleures équipes françaises de baseball qui se rencontrent. D'accord. Donc toi, tu as été en équipe de France moins de 23. C'est ça. Comment ça se passe, les sélections en équipe de France? Les sélectionneurs regardent sur les saisons, les résultats des joueurs. Parce qu'on a des statistiques à la frappe, en défense. Du coup, ils se basent là-dessus, ils nous voient régulièrement lors du challenge. Vu qu'il y a toutes les meilleures équipes, ils viennent recruter à ce moment-là. Et après, on fait un ou deux week-ends de rassemblement, et après, c'est là qui fait le groupe final. D'accord, très bien. Donc, comme on le disait tout à l'heure, le softball a été olympique, il faut savoir. Donc, de 1996 au JO d'Atlanta à 2008, donc au JO de Pékin. Est-ce que vous pensez que c'est possible que le softball revienne aux Jeux Olympiques? Est-ce que vous, je pense qu'il reviendra en sport de démo entre guillemets, ouais. D'accord. À Tokyo en 2020. Là, il y a tout un enjeu. La fédération qui s'active beaucoup, qui parle avec tout ce qui est ministère, pour qu'on puisse l'avoir aussi à Paris en 2024. Bien sûr, ouais. Perso, j'ai envie d'y croire. Je me dis que faut savoir qu'au Japon, c'est sport national. Aux États-Unis, c'est un des sports nationaux. Un sport national, 2020, 2028, 2024, on peut pas l'enlever au milieu. Donc j'ai vraiment envie d'y croire et de me dire que en plus la route va être très longue si on veut aller à Tokyo, nous en tant qu'équipe de France. Mais il faut savoir que si on reçoit les Jeux Olympiques à Paris et qu'on notre sport y est présent, on aura forcément une équipe qui est qualifiée vu qu'on est pays hôte. D'accord. Et donc c'est vraiment l'objectif parce que on aura 30 ans en 2024 et en 30 ans. Et puis pour tous les sportifs, c'est quand même un rêve aussi de participer aux Jeux Olympiques. Oui, bien sûr. C'est participer à des Olympiades, oui. C'est l'objectif d'une carrière professionnelle, d'arriver au JO et de pouvoir jouer. En tout cas, on l'espère. Plus précisément, comment ça se déroule quand tu joues de softball? Comment est-ce qu'on s'entraîne? Comment est-ce qu'on s'entraîne un joueur de softball ou de baseball? Surtout du softball. Ça dépend du niveau auquel on joue. Là, j'entraîne l'équipe de Montpellier. C'est une équipe qui est... Oui, on a un championnat régional, mais c'est un peu en mode loisir. J'ai des filles qui ont 21 ans et j'en ai qui en ont 40, 42. Donc forcément, on veut gagner nos matchs, mais on n'est pas dans une optique de d'être vraiment à haut niveau. Donc c'est 2 entraînements par semaine. On incorpore quand même un peu de préparation physique parce que c'est important pour le corps de bien être échauffé et d'être préparé, surtout pendant l'hiver. Mais c'est 2 entraînements par semaine avec de temps en temps des séances de tableau quand il pleut. Ou... On essaie d'adapter, il faut que ça plaise à tout le monde. C'est des personnes qui viennent se détendre après le travail ou après les cours. Donc c'est pas des entraînements qui sont beaucoup trop lourds non plus parce que sinon on perdrait tous nos licenciés. Après, si on est plus au niveau, et comme par exemple l'équipe de D1, ils pourraient vous en parler parce que l'équipe de baseball s'entraîne, joue en D1. En softball, quand j'étais en Pôle France par exemple, c'était entraînement tous les jours. On allait en cours que le matin, on s'entraînait tous les après-midi, puis on enchaînait avec la muscu. Et puis après, c'est des conditions de vie. On ne fait pas la fête tous les soirs. J'allais venir justement. Voilà, ça dépend à quel niveau après on veut jouer et ce à quoi on aspire. Parce que, est-ce que justement, il y a une musculation particulière, des exercices, des membres particuliers à travailler davantage que d'autres? Et est-ce qu'on doit faire attention à son alimentation, à son quotidien, s'alimenter, etc.? À haut niveau, en tout cas. À haut niveau, oui. À haut niveau, ouais. Ça, je voulais dire. Tout l'hiver, vu qu'on joue pas l'hiver, on fait beaucoup de préparation physique, notamment sur les jambes, le dos et renforcer les bras, puisqu'on lance, on lance tout le temps en fait. Dans un match, on fait à peu près 100-120 lancers à fond tout le temps. Du coup, ça fait beaucoup de traumatismes. Du coup, on vient renforcer l'hiver l'épaule pour qu'elle soit prête. Et derrière, il faut que l'alimentation soit aussi bien équilibrée pour justement mieux récupérer. D'accord. Je sais qu'en baseball, il y a 7 joueurs français qui sont allés tenter l'aventure aux États-Unis, dont le dernier Yoel Antonak, qui a 17 ans et qui a été drafté, on peut dire ça, aux Phillies de Philadelphie. Est-ce qu'il y a une ligue rêvée en baseball? Est-ce qu'il y a un objectif softball, à atteindre? En softball, pardon. Et que faire pour y arriver? Est-ce qu'aux États-Unis, par exemple, il y a comme au baseball la Major League? Et au softball, on aimerait... Alors, il y a une ligue professionnelle, entre guillemets, plus connue, qui est la National Pro Fast Pitch, qui compte, je crois, 7 équipes cette année. Ça change un peu régulièrement. Elle est ouverte, par exemple, cette année, il y a une équipe australienne, il y a une équipe chinoise. Donc, bon, c'est assez ouvert. Il faut savoir que là-bas, le soft, c'est surtout le soft, mais même les autres sports. Les Américains raffolent de la saison collégiale. Donc, oui. Tout ce qui est universitaire, ils en raffolent. Donc, ils vont suivre vraiment la saison collégiale, mais la saison de pro, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. Je suis partie aux États-Unis et je dis, c'est mon équipe préférée. Ils ne connaissaient pas. D'accord. Et du coup, oui, maintenant, il y a même des ligues indépendantes, on va dire, qui s'ouvrent. Mais oui, c'est un objectif, mais la route, elle est longue, quoi. Il faut performer en France pour être d'abord choisi par un collège, une université là-bas. Puis éventuellement, si on est dans les meilleurs, se faire drafter par une équipe pro. Le chemin est très très long. Aujourd'hui, on n'a que 2 filles vraiment françaises qui sont parties en université et 2, une franco-canadienne, une franco-américaine. D'accord. Qui sont là-bas à l'université et dont une qui vient de finir ses études aux États-Unis et qui a joué en première division de collégiale. Du coup, il y a des recruteurs américains qui viennent voir les grandes équipes françaises, j'ai envie de dire, ou en Europe, pour un petit peu voir quels pourraient être les talents qu'ils pourraient recruter. Ils viennent peut-être en Europe, mais je dirais plus pour le baseball que pour le soft. Ouais. Pour le soft, les filles, on a 2 jeunes françaises qui sont en équipe de France senior, malgré leur jeune âge, qui viennent de se faire recruter pour un collège, mais elles ont dû partir faire des essais là-bas. Alors c'est à base de j'envoie des vidéos, je fais marcher mon réseau, je connais telle ou telle personne, et je vais me montrer, et c'est que comme ça que ça marche. Parce que là-bas, ils ont des tournois à 20 matchs dans le week-end, tous les week-ends, donc les recruteurs peuvent venir et recruter, et c'est beaucoup plus simple. Et chez les hommes, c'est pareil ? Je sais qu'au baseball, on a des tournois européens, qui rassemble toutes les académies et Pôle France. Donc toi, tu fais du baseball et du softball? Je fais baseball, je fais plus de baseball que de softball. J'en D'accord. fais un peu de temps en temps pour renforcer les équipes ou m'amuser. Ouais, d'accord. Du fun, quoi, mais surtout baseball. Ouais. Et c'est... est-ce que dans un coin de ta tête, t'as l'idée un jour de percer et de... Pourquoi pas... parce qu'on dit que la maturité pour un joueur de baseball, c'est 27 ans, 28 ans. Ouais. Pourquoi pas un jour tenter l'aventure à l'étranger ou... J'ai eu l'occasion de partir au Québec. Ouais. J'avais que 13 ans, du coup c'était compliqué. Avec les parents, l'âge. Sûr, ouais. Du coup maintenant je regrette parce que c'est un peu tard pour moi d'aller signer pro parce que les pros ils signent vers 16, 17 ans, 18 ans. comme ça ils peuvent évoluer et s'améliorer. Ils sont encore jeunes. Là j'ai 22 ans, c'est un peu compliqué de trouver une équipe professionnelle en Amérique. Après peut-être partir en Europe ou trouver un club pro en Europe. Il y a des pays européens justement voilà, qui sont un peu exemples en baseball, softball plus que la France où le sport est d'importance. Ouais, il y a les Pays-Bas, c'est une ligue pro, ils sont en coupe du monde, ils font des bons résultats en coupe du monde. Après il y a l'Italie aussi et il y a l'Allemagne, c'est trois gros pays européens qui performent au niveau mondial. Et du coup, je suppose, des pays, et encore plus sans doute pour les États-Unis, vous citez plutôt le Japon, où aussi les structures pour encadrer ce sport doivent être nettement plus importantes qu'en France. Et ce qui doit aussi sans doute jouer sur le recrutement assez jeune pour pouvoir avoir à la fois la fréquence des entraînements et des structures plus adaptées, non ? Ouais, c'est sûr, aux États-Unis, déjà, dès l'école, on peut faire du sport après l'école. Puis qui font l'école le matin, après le derrière c'est les activités. Du coup il y a 100 fois plus de personnes qui pratiquent et ça fait beaucoup de joueurs au final pour peu de place en équipe pro. C'est comme tout ce qui est Mexique, Cuba, tous ces pays-là, ils vivent vraiment pour être pro, pour pouvoir être payés. Ils font que ça de leur journée. Quoi. Est-ce qu'ils prennent en compte le gabarit ou pas ? Est-ce que c'est important le gabarit en baseball ou en softball ? Oui, c'est important, il faut être assez grand, musclé, athlétique. Parce que si on est petit et maigre, on a moins de chances de frapper fort, de lancer fort, et c'est ce qu'on regarde. D'accord. Et les gabarits sont assez homogènes, il n'y a pas de différence justement de gabarit par poste ? Ça va dépendre des postes, va dépendre des gabarits que les coachs recherchent. Est-ce qu'on recherche quelqu'un qui va frapper fort dans la balle, même s'il ne court pas vite ? Ou est-ce qu'on a besoin, à l'inverse, de quelqu'un qui même est capable de poser ce qu'on appelle un amorti, un bunt, qui va juste déposer la balle devant, frapper la balle juste devant, mais qui va courir tellement vite que ce sera quasi impossible de l'éliminer. Donc ça va dépendre des gabarits qui sont recherchés. Après, par exemple, pour revenir sur Johan qui a signé pro, qui fait 2m05, c'est un lanceur. Forcément, en étant plus grand, il lâche la balle plus proche du frappeur. Il a des plus grandes jambes, parce qu'on n'a pas l'impression, mais on se sert beaucoup de nos jambes aussi. Et donc il a des plus grandes jambes, donc forcément, il s'en sert plus. Mais après, voilà, les gabarits, ils rentrent beaucoup en compte, évidemment. Si le recruteur voit quelqu'un qui est tout chétif, qui est tout maigrichon comme ça, c'est à risque de blessure, c'est pas forcément quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un qui va falloir beaucoup plus investir dans sa préparation physique. Donc après, on n'est pas recruteur, on n'est pas à leur place, mais forcément, on sait que si on s'entraîne pas, si on n'est pas en bonne condition physique, on est à risque de blessure, on est à risque de non-performance et forcément... Tu parles de conditions physiques, de préparation physique, mais est-ce que tu as aussi le côté mental qui est important ? Est-ce que tu as une préparation mentale particulière ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'efforts de concentration, peut-être, en baseball ou en softball ? On nous dit souvent que le baseball, c'est 70% du mental et le reste, c'est du physique. Parce que les matchs sont longs, ils durent en moyenne 3h, 3h30. Et sur chaque balle frappée, il faut être concentré, prêt à rattraper la balle, lancer, même à la frappe, voir une balle arriver, à peu près à 140-145 km/h. Sur 18 mètres, ça va vite. Du coup, faut être prêt mentalement à pouvoir frapper, réagir sur tous les lancers qu'il lance. Ouais, pour pouvoir notamment réduire sans doute beaucoup le temps de réaction, vu la vitesse que sont capables de mettre les lanceurs pour le batteur, ça doit être quelque chose de très spécifique et compliqué. Ouais, ça faut vraiment s'entraîner le mental pour réagir au plus vite et savoir ce qu'il faut faire à quel moment. Et voilà, c'est important. Quoi. Et puis je pense que dans tous les sports, le mental est très très important. Et là, le baseball et le softball ont une spécificité, c'est que c'est à la fois un sport individuel et un sport d'équipe. Parce que quand on rattrape la balle ou qu'on la lance, on est tout seul. Quand on la frappe, on est tout seul, mais on fait ça pour l'équipe en soi. Donc il y a aussi l'esprit d'équipe, tout ça qui rentre en compte, et le mental est extrêmement important. D'accord, bon, on va vous poser quelques questions un peu plus individuelles, un peu plus personnelles. Comment est-ce que chacun d'entre vous avez découvert le softball et le baseball du coup ? Moi, c'est quand j'étais petit, mon cousin, il allait voir un match parce qu'il y a un de ses potes qui jouait. Et dès que j'ai vu ce sport, le baseball, le soir même, j'ai dit à mes parents, je veux une batte, je veux une balle, je veux un gant. Et ça a commencé comme ça. Et depuis, j'avais 9 ans et depuis, j'ai pas lâché la balle et le gant. Est-ce que tu suis, par exemple, la Ligue américaine, est-ce que t'as des idoles que t'aimerais, que tu suis? Quand j'étais petit, oui, je regardais beaucoup les Mets de New York. Mon idole, c'était David Wright, un troisième base, qui frappait fort, qui jouait bien. Là, maintenant, il est un peu plus âgé, il joue un peu moins. Mais ça reste quand même mon idole et j'aime beaucoup ce joueur. Et Randy Johnson un peu? Randy Johnson? C'est le seul que je connais. Mais... Non, pas trop. Non, pas trop. Avant, il y a aussi Derek Jeter, shortstop des Yankees de New York. D'accord. C'est une idole là-bas et je pense que c'est une idole un peu pour tout le monde ici en France. D'accord. Et toi, Farah, du coup, comment t'as découvert le softball? C'est ma meilleure amie qui est partie, que je vous disais tout à l'heure, qui vient de finir ses études en collège en première division. Elle a commencé quand elle était jeune le baseball. Son frère l'a suivi. On était des amis d'enfance, tout le temps fourrés ensemble. Je voulais essayer, malheureusement, je me suis blessée. Mon frère a fini par suivre. Et puis, à force d'être sur les terrains, on va voir les matchs. On achète un gant juste pour faire mumuse avec son frère. Et puis, finalement, on s'y plaît. On va à l'entraînement, tout ça. Et puis après, on découvre un peu le haut niveau. Au bout d'un an, on m'a demandé d'aller au Pôle France. On m'a appelé en équipe de France. Et puis, du coup, c'était en 2000. Première équipe de France, c'était en 2012. Et voilà, on est en 2018 et j'ai pas arrêté. C'est toujours mes objectifs et c'est addictif en fait. Je pense que tout sportif, dès qu'il a trouvé sa voie, il le sait. Et voilà, c'est impossible de décaler après. Vous entraînez aussi tous les deux. Comment est-ce que ça vous est venu d'avoir envie d'entraîner aussi, de transmettre en plus cette passion-là? Moi, c'est en arrivant à Montpellier, parce que je suis originaire de Chartres. Je suis arrivé à Montpellier pour changer un peu d'environnement, de club. Et du coup, chercher un petit travail à côté pour pouvoir vivre. Et du coup, on m'a proposé un service civique dans le club pour entraîner les jeunes. D'accord. Et puis, je continue, j'arrête jamais. D'accord. Et toi, du coup, Farah? Moi, ça s'est fait un peu par hasard. Je suis venue à Montpellier. Je connaissais la coach qui était là l'année dernière, qui a dû partir pour raison professionnelle. Et elle m'a dit, faut que tu reprennes le flambeau, quoi. Parce que j'étais la seule qui connaissait vraiment, qui avait joué au niveau. Et puis au final, je pense que c'est mes meilleures saisons depuis que j'entraîne parce que on a un truc en plus quand on entraîne. Et du coup, j'aime bien tout ce que moi j'apprends, tout ce que mes coachs m'enseignent, je vais l'enseigner derrière à mes joueurs. Quand on me donne des trucs et que je ne m'en rends pas compte sur moi-même, je vois sur les autres, ça me fait progresser. Et puis c'est toujours plaisant de voir ces joueurs apprendre des trucs, avoir le sourire et performer en match. Donc là, j'ai vraiment pas envie d'arrêter. Au contraire, j'ai d'autres projets tant que coach. C'est pas difficile pour toi de faire les deux en même temps? De jouer et d'entraîner en même temps? C'est pas facile tout le temps, forcément, faut jongler. Vu que je joue encore au niveau, des fois je dois faire un choix et mon équipe, il faut que je lui dise non, là je peux pas venir vous coacher parce que moi aussi je joue. Donc, forcément, c'est compliqué, mais je pense que c'est pas incompatible, au contraire. D'accord. Et toi, du coup? Moi, là ça va, j'arrive à gérer vu que je prends les jeunes. Ouais. Ils jouent le samedi, moi je joue le dimanche, du coup ça pose aucun problème. D'accord. Et c'est très bien. Qu'est-ce qui vous plaît dans faire l'entraînement? Toi, tu disais justement que ça te permet de transmettre aussi, de voir ce qui va pas. Et toi aussi, tu entraînes des plus jeunes. Ça te permet aussi d'avoir une autre vision, peut-être, du baseball. Ça, ouais. Je pose beaucoup sur le ludique pour qu'ils s'amusent en jouant et qu'en même temps, ils progressent tout le temps. L'année dernière, j'avais un bon groupe et on a fini vice-champion de France. Et là, cette année, j'ai encore un bon groupe et je vise la première place. D'accord. Donc, vous êtes tous les deux, vous possédez le statut de haut niveau auprès du ministère. Tu disais que tu étais encore étudiante. Toi, tu fais ton service civique. On ne peut pas vivre juste en faisant du baseball ou du softball en France parce que ça souffre justement d'un problème de médiatisation en France. C'est impossible. Ouais. Enfin, il y a des clubs qui font venir des joueurs étrangers, donc des Américains, par exemple. Nous, on a un Américain, un Australien et un Vénézuélien qui vient d'arriver. Donc on fait venir des joueurs pour les équipes qui jouent à meilleur niveau, font venir des étrangers et les payent, mais nous les Français on peut pas être payés, quoi. C'est pas possible et c'est pour ça qu'on met pas nos études de côté, c'est pour ça qu'on bosse. C'est sûr, on prend plus de temps pour faire nos études si on joue à haut niveau parce que le sport, l'entraînement, ça nous prend du temps, mais on peut pas arrêter de travailler parce que en France en tout cas on peut pas être professionnel. Peut-être que si on partait aux Pays-Bas, là-bas ils ont des équipes pro, on pourrait le faire, mais voilà, ça implique d'autres choses aussi. D'accord, ça vous tente pas justement de tenter l'aventure aux Pays-Bas par exemple? On l'a évoqué un peu tout à l'heure, mais... Faut avoir le niveau pour. Et c'est compliqué, le niveau est élevé déjà là-bas? Je pense qu'il n'y a que la première division qui est professionnelle, qui est considérée comme professionnelle. Et pour atteindre la première division, il faut y aller. Je sais que pour en avoir affronté des équipes de cette première division en Coupe d'Europe, ma première Coupe d'Europe, ça faisait 2 ans que je jouais et je suis arrivée comme ça. Et je les ai vus jouer, j'étais genre juste bouche bée, quoi. Mais parce qu'aux Pays-Bas, c'est, les filles, elles sont là depuis 6 ans, elles jouent, quoi. Et on affronte des filles qui ont 27, 28. Forcément, c'est pas la même chose. Moi, ça fait 5 ans que je joue, enfin 7 maintenant. C'est compliqué de rivaliser avec ça. D'accord. Et individuellement, quels sont, vous, les prochains objectifs qui arrivent, les prochaines échéances, personnellement? Pour moi, c'est les play-offs. Ouais. On va bientôt finir la saison, il reste... Parce que vous êtes premier au classement au baseball. On est toujours premier, ouais. On a 13 victoires, 3 défaites. Et on est toujours premier, il reste 4 week-ends de match. Et après, c'est les play-offs. Et l'objectif, c'est de remporter le championnat pour avoir une place en Coupe d'Europe l'année prochaine. D'accord. Et le niveau européen est déjà plus élevé que le niveau national ? Niveau européen, oui. Et bah, vu qu'il y a des pays qui sont professionnels, ils font que ça presque tous les jours. Et du coup, le niveau est meilleur, c'est sûr. Mais c'est vrai que pour une équipe comme la vôtre, ça doit être aussi super intéressant de pouvoir se qualifier en Coupe d'Europe pour pouvoir justement rencontrer ces équipes et passer encore un cap de plus, quoi. C'est ce que les clubs français recherchent, c'est vraiment partir en Coupe d'Europe pour s'améliorer et progresser individuellement et collectivement. Et aussi, je pense que si Montpellier arrive en Coupe d'Europe, on aura peut-être la mairie qui suit, la métropole, pour justement améliorer le terrain de Montpellier. Ouais, d'accord. Surtout que c'est vrai que ça doit être relativement difficile, sachant qu'il y a beaucoup de sports de haut niveau à Montpellier, donc c'est assez intéressant, mais je pense que la plupart des gens n'ont pas conscience qu'il y a une équipe de baseball, les Barracuda à Montpellier, qui est une équipe qui marche bien, et donc des fois, ça, voilà, il faut vraiment réaliser des grosses performances, avoir des gros résultats pour pouvoir se faire reconnaître et pouvoir aussi, bah, pour vous, faire progresser l'infrastructure et que l'équipe puisse évoluer encore à plus haut niveau. C'est ça, chaque animation qu'on fait dans les associations, ils connaissent pas le baseball. Justement, on vient les rencontrer pour les faire connaître et partager notre passion. Et du coup, pour toi, Farah, les prochaines échéances à venir ? Mais en fait, moi, je joue avec... Alors, j'ai fait le choix de jouer avec l'équipe de Toulon. C'est un peu loin, je m'entraîne toute seule. Mais parce que c'est une équipe qui joue en première division, softball. Contrairement à Montpellier qui joue qu'en régional. Mais je pouvais pas m'arrêter de jouer au niveau à 24 ans. Pour moi, c'était inconcevable. Donc, mais pour l'instant, on est première du championnat. Donc pareil, j'ai les playoffs en septembre pour assurer une place en Coupe d'Europe. Et du coup, j'ai ma Coupe d'Europe aussi avec mon club cet été. Donc voilà, après, bah, y a forcément les sélections pour l'équipe de France. On a des rassemblements encore au mois d'octobre. J'espère y participer. Parce que l'objectif, c'est clairement championnat d'Europe en 2019, qui permettrait, suivant le classement qu'on obtient, de se qualifier pour le tournoi de qualification olympique. Et en fait, forcément, au bout du chemin, c'est loin, oui, mais l'objectif, ça reste les JO, quoi. Je pense que n'importe quel sportif vous répondra la même Bien chose sûr. Là-dessus. D'accord. Donc pour terminer, je vais vous poser une question que l'habituel animateur a bien posée à ses invités. Si des jeunes nous écoutent, qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre de faire du softball ou du baseball ? Et de pourquoi pas rejoindre les Barracudas de Montpellier ? Bonne question. Je dirais que frapper et lancer, c'est le seul sport qui permet de frapper une balle. Et courir, lancer, c'est vraiment amusant, il faut venir tester. C'est défoulant aussi du coup, ouais. C'est ça, ouais. Si on est un peu énervé, on va frapper quelques balles, ça défoule et on adore ça, quoi. D'accord. Peut-être Farah, si tu veux rajouter quelque chose ? Ouais, c'est un sport qui est assez complet, qui est assez cool. Et franchement, au Barracuda, on a vraiment une ambiance. On est plus qu'un club, c'est un peu une famille, en fait. On aime bien se retrouver après les matchs. On se suit, on regarde les résultats de toutes les équipes. Et c'est assez convivial, assez cool. Et moi qui entraîne le SOS par exemple, donc s'il y a des adultes qui écoutent et qui veulent venir essayer, bah on accueille tout le monde, c'est assez fun. Et en plus là, c'est la saison des barbecues qui arrive, donc c'est bien, voilà ça. On finit les entraînements et la saison avec les barbecues, donc c'est assez cool, franchement, voilà. Barbecue, si mais play-off en septembre quand même. Bah, mais après, à partir du mois d'août, on se recalme là-dessus parce que forcément il y a les play-offs en septembre. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup, merci Farah, merci Sylvain d'être passé nous voir. Puis pour voir juste que, comme justement ce sport est intéressant et cool, bah je vous encourage, parce que ça m'a permis aussi tout simplement de découvrir, aller voir le site internet des Barracudas. Je ne l'ai pas en tête, je ne sais pas si vous le connaissez, mais voilà, si vous cherchez sur notre ami Google, vous trouverez direct le site du club de Montpellier. Sur Facebook, et les réseaux sociaux, sur Facebook également. Le club est assez actif. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. On va en profiter pour passer notre deuxième pause musicale, donc de, qui est Silo de Masséoplex. Memphis. ancienne. De retour sur Sport and Chill, et comme vous avez entendu, c'était le jingle Coupe du Monde. Et le Maroc. Et 1-0 voilà. Pour le Maroc. Enfin, qui est le score. Et le Maroc a ouvert le score face à l'Espagne. Et pour l'instant, l'Espagne belle défense est éliminée. Oui. Pour l'instant, l'Espagne. Ah, c'est un super pas trop vite, hein, évidemment. Ça n'a pas duré, la on a perdu Romain, évidemment. Mais on va d'abord se poser quelques questions qui nous taraudent ces derniers temps, avec notamment quelques surprises dans cette Coupe du Monde. Ah oui, info. Pour vous, est-ce que vous y croyez? Est-ce que l'Argentine pourrait ne pas passer le premier tour? Oui. Alors oui, est-ce que c'est une surprise? Pas forcément. Vu les... Si. Oui, bah, l'Argentine éliminée, oui. Vu le groupe d'Argentine, oui. Ça reste souvent une surprise. On l'avait annoncé avant la Coupe du Monde que c'est l'Argentine. Vu les qualifs qu'ils avaient fait, le système de jeu qui n'était pas très bien efficace, il y avait de quoi être inquiet sur l'Argentine. Après, non, mais c'est une équipe déjà qui est hyper déséquilibrée. Ouais, on a toujours tendance à penser à l'Argentine comme étant des favoris et le mettre au même niveau que le Brésil, l'Allemagne, l'Espagne, parce que c'est vrai qu'ils ont une ligne d'attaque qui est absolument imbouvable. Ils se permettent par exemple de ne pas sélectionner mec comme Icardi, alors que nous, je pense qu'en France, saison, il serait peut-être titu. Ah, c'est sûr. Hein. En pur neuf. Oui. Et impossible, t'as Giroud. On y reviendra à Giroud d'ailleurs. Bref, ouais, et après au milieu et derrière, c'est vraiment beaucoup moins solide. C'est un peu plus dur. Mascherano, c'est beaucoup moins. Mascherano, il a 35 ans, il joue en Chine. C'est pas le Mascherano de Liverpool. Il est complètement carmo, Mascherano. Ouais. Justement, donc une équipe qui a gagné l'Argentine, c'est la Croatie. Tu voulais dire un truc? Un truc sur l'Argentine, c'est que j'ai l'impression qu'on dédouane beaucoup Messi. On dit ouais, il peut pas tout faire. Il a quand même à côté de lui une équipe, des joueurs. Sauf qu'il y a la comparaison avec Ronaldo, c'est aussi ça le problème. Ronaldo est tout seul. J'ai quand même vu des critiques dures. Hein. Même s'il n'y a pas Ronaldo, même si Ronaldo fait une Coupe du Monde moyenne, Messi il est encore en dessous. Hein. Là, dans cette Coupe du Monde, même s'il avait fait une Coupe du Monde moyenne, Messi était vraiment en dessous. Mais ouais, Messi. Moi je pense qu'il souffre de la comparaison avec Ronaldo. Très loin de. Non, parce qu'il fait pas des grands matchs, Messi. Il en fait. On en demande peut-être trop à lui. Ça c'est vrai, mais à côté de lui il y a quand même des joueurs. Il y a de quoi faire. Comme disent qu'à côté de lui il y a personne, non, je suis pas d'accord. Je préfère avoir l'équipe à côté de moi, l'équipe du Portugal, que celle de l'Argentine par contre, tu vois. En termes de passeurs et de milieu de terrain, c'est vrai que c'est plus équilibré le Portugal. Devant, ils ont 5 attaquants qui sont dans le top 10 mondial. Ah bah oui. Ouais, mais moi, tu les vois, ils en mettent 2 déjà. Tu les as vu les matchs de l'Argentine. Ah oui, mais après, il faut jouer. Mais à côté, je préfère jouer avec un Bernardo Silva ou à côté qu'il y a au Portugal que le milieu de terrain de l'Argentine, quoi. Parce qu'au niveau tactique, c'est pas forcément très cohérent. Quoi. Les deux des défaillances principales pour moi de cette équipe d'Argentine, et ce qui me fait penser qu'on avait un peu un échec annoncé, même s'ils sont loin d'être dehors, et puis après s'ils se qualifient, ce sera sans doute une autre histoire. Quand même. Je crois qu'il faut juste qu'ils battent le Nigeria. Il faut juste qu'ils battent le Nigeria. Ouais, vu que l'Islande, donc on devrait perdre. Ouais, okay. Voilà. Deux points juste avant de. Il faudrait que l'Islande gagne la Croatie dans le même temps, il me semble. Ouais, donc ça donc c'est pas impossible, mais bon, voilà. L'Argentine en tout cas a tout à fait sa chance encore de se qualifier, même si elle a plus vraiment, elle a à moitié son sort entre ses mains, voilà. Ouais. Mais un dernier mot donc sur l'Argentine, j'ai trouvé la défaillance tactique, le système pour le moment qui marche pas trop, et puis surtout des coachings rarement très très utiles, avec notamment l'entrée de Banega. J'ai vu plusieurs fois qu'il est un beau joueur de ballon, mais qui permet pas forcément de débloquer une situation comme pourrait l'être parfois l'entrée de Dybala, même s'il est rentré au deuxième match et ça n'a rien changé. Ouais, et la Croatie a déroulé 3-0. Et puis la faille principale, et ce qui est à noter par les 4 buts encaissés, c'est une défense qui est vraiment aux abois. Un gardien très moyen. Et qui souffrait déjà lors des qualifications et qui avait souffert lors des derniers matchs amicaux. En témoigne, même si on voit l'Espagne en difficulté actuellement, le 6-1 qu'ils avaient pris contre l'Espagne. Ouais. Alors. On a parlé de l'Argentine. Pour moi, il y a aussi 2-3 équipes, on en a parlé avec Romain, qui se détachent, qui sont en tout cas réussissent bien. La Croatie, la Belgique et l'Angleterre. Est-ce qu'on peut dire que ces trois-là sont les équipes à battre? Alors moi, je nuancerai quand même tout de suite la performance de l'Angleterre et un peu moins celle de la Belgique, parce que potentiellement ils sont vraiment très intéressants au niveau offensif. Mais l'Angleterre, ils ont joué la Tunisie où ils ont galéré, mettre un but dans le temps additionnel, et jouent le Panama. J'adore les Panaméens, ça vaut pas grand chose. C'est l'équipe la plus faible du mondial. Je pense que c'est plus faible que l'Arabie Saoudite. Ouais, peut-être. Ouais. Je nuancerai quand même tout de suite cette performance de l'Angleterre. Et par contre, ça va être très intéressant de voir ce Belgique-Angleterre. Ouais, celui-là sera vraiment révélateur. Sachant qu'ils sont à la différence de but égale. Excusez-moi, je vous laisse enchaîner sur la suite. On n'en parle volontairement pas trop, mais on vous donnera juste l'évolution du score. Oui. L'Espagne a égalisé par Isco, un partout entre l'Espagne et le Maroc. Mais continuons bien sûr sur Belgique, Angleterre et Croatie. Des gros outsiders, la Croatie, chaque fois quand on voit l'équipe et tout, elle est quand même alléchante, on attend de voir ce qu'ils font. Et souvent, ils démarrent assez bien dans les poules, même je crois à l'Euro et même au dernier mondial, c'est pas si mal. Et puis voilà, c'est comme la Belgique, on se demande s'ils vont réussir à franchir l'étape supérieure quand ils vont affronter des équipes comme le Brésil, l'Espagne ou même l'Allemagne qui elles montent en puissance. On verra si la Belgique et l'Angleterre qui sont des outsiders arrivent à franchir ce palier là en sortant le gros match contre le gros client en face. Ça sera déjà notre... je connais pas le tableau, mais le premier du groupe il affronterait qui là en 8e? Le premier du groupe affronterait l'équipe qui sortira deuxième entre Japon, Sénégal et Colombie. Ils ont impossible ils se mettent bien en 8e, hormis s'ils prennent la Colombie, toi, de mon point de vue. C'est intéressant. Je suis 50-50 pour moi. Pas loin. Ouais. Donc, faudra attendre pour voir si ces outsiders sont. Effectivement, moi je vous rejoins avant de parler un petit peu de notre question suivante que Paul nous évoquera. C'est que la Belgique et l'Angleterre réalisent pour le moment une très belle phase de poule. Il n'y a rien à dire de ce côté-là, mais jouent sans doute pour le moment des équipes trop faibles, donc c'est difficile de voir leur niveau. Mais c'est vrai que j'entendais du monde me dire que la Belgique et l'Angleterre seraient un flop. Moi, je les voyais plutôt bien performer dans cette Coupe du Monde. La Belgique, non. Ouais, on dit ça aussi parce qu'on compare à l'historique avec l'équipe qui en a. Ah, mais bien sûr, heureusement d'ailleurs. C'est minimum quoi. Moi, j'avais dit que la Tunisie sortirait du groupe. Ah, c'était ambitieux. Ouais, j'ai. Je m'en rappelle justement, c'est pour ça que je dis ça. Mais après, j'assume. T'as senti la boule, hein. T'as pris un risque, quoi. Et j'ai pas été déçu de la Tunisie, mais c'est vrai c'est que. Pas la... si mal, ouais. C'est pas en face. Quoi. Après, contre l'Angleterre, ils ont pas joué, ça, c'est peut-être une erreur. Ils ont tenu le 1-1. Mmh, ouais. Et contre la Belgique, voilà, ils ont pris deux buts en un quart d'heure, mais après, ils sont sortis. J'avais tort, mais c'est l'un des plus beaux matchs du mondial. C'est plus cohérent que le Maroc, par exemple. Très cool à regarder. C'est plus cohérent que le Maroc, qui est pour moi une meilleure équipe, le Maroc, tu vois, ou Tunisie. J'ai trouvé ça plus cohérent. Collectivement et tout, et c'est vrai que le Maroc qui joue 20 minutes un peu plus tranquille, ils auraient peut-être pu espérer mieux. Ouais. Bah, Guillaume, tu parlais justement de la Tunisie qui était être une surprise de le voir à ce niveau-là. Rapidement, pour chacun d'entre vous, est-ce qu'il y a justement une équipe qui vous a surprise dans le bon sens comme dans le mauvais sens? Moi, dans le bon sens, alors Colombie pour moi ça m'a plu, mais c'est pas forcément une surprise. Le Sénégal, j'attendais pas un tel niveau, j'ai trouvé que c'était pas si mal. Mais genre plutôt du Japon, du coup. Moi, un peu déçu sur le second match. J'allais le dire aussi, le Japon c'est une grosse surprise parce que. Le Japon, on les pensait très faibles. On les attendait. Surtout avec les problèmes internes. Assez loin dans cette poule et finalement, c'était pas si mal. Mmh. Et puis même Sénégal, moi je trouve quand même, voilà, je pourrais y revenir. Ça fait un petit moment que j'avais pas vu une équipe du Sénégal aussi, aussi intéressante. Alors je pense pas que ça ira très très loin non plus. Mais sur ce que j'ai vu. Il va falloir gagner le dernier match pour se qualifier. Ils seront. Au Japon. Attends, non. Face à la Colombie. Il faut qu'ils battent la Colombie pour se qualifier. T'es sûr ? Il y a Sénégal-Colombie. Sénégal-Colombie, j'en suis. Et s'ils font nul, ils sont qualifiés quand même, quoi, du coup. Ouais, non, je suis pas sûr. Et si, s'ils font nul, a priori, ils se qualifient. Mais sachant c'est la non, mais le truc c'est la Colombie qui doit gagner pour j'en peux plus là. Les gars, le Japon c'est très simple. Romain a sorti l'écharpe de l'Espagne sur Bûcher. J'ai raison le coup. Ouais, mais je l'avais sur moi, il fallait que je la mette même de début. Pouvons-nous couper le micro de Romain s'il vous plaît? Couper la caméra surtout, hein. 32 degrés mais une écharpe. Pour réagir, moi Paul, en termes de ce que tu parlais des surprises positives négatives, moi j'ai une déception pour l'instant, c'est le Brésil que je pensais vraiment c'est pour moi c'était ceux qui allaient aller au bout. Et là par rapport à ces deux premiers matchs, je suis vraiment très déçu. Au niveau de l'animation offensive, du contenu proposé, je trouve ça vraiment brouillon. Alors que pour le coup, ils ont une équipe super équilibrée, ils sont solides en défense, ils sont très bons au milieu, un milieu compact qui se projette vite, qui récupère des ballons et devant, ils ont un potentiel offensif vraiment. Toi qui connais le Brésil, ça fait un petit moment qu'ils n'avaient pas une équipe aussi complète. Ils ont une équipe, une équipe aussi équilibrée. Il y a un mec qui est à part peut-être latéral droit, mais où un mec comme on aurait aimé avoir Dani Alves plutôt que Danilo, mais bon, ça reste cohérent. Ah, il est pas mal Danilo au final. Ouais, finalement, c'est pas si mal. T'as même un mec comme Luis Felipe ou Marquinhos en défense qui sont sur le banc, tu vois. T'as même Fermino qui est sur le banc aussi. Donc, normalement, c'est Jesus qui est titulaire. Donc il y a de quoi faire au Brésil cette année. C'est vrai que c'est un début timoré, mais bon, la compétition est encore peut-être montée en puissance. Moi j'avais pareil la même déception sur le Brésil et une autre aussi sur l'Allemagne, mais bon, eux ils ont gagné. Et finalement les gros, même l'Espagne qui galère un peu. Le Brésil voulait faire un parallèle avec Neymar et Messi, c'est-à-dire qu'on met exactement la même pression sur ces deux joueurs qui doivent faire gagner leur équipe. Alors Neymar, Neymar est plus présent. Il n'aurait pas dû terminer le match pour moi, mais il n'a pas l'équipe d'Argentine, c'est vrai. il a marqué, mais c'est pas non plus. Je trouve que Neymar a une attitude que n'a pas Messi. Neymar, quand il a le ballon, il envoie tout. Alors pour Messi, je trouve que Messi a plus des sauts d'humeur. Il est très nonchalant, Messi. Voilà, mais c'est naturellement comme ça. Pas du tout le même jeu après. Il a pas l'impression de. Ouais, c'est vrai. Il a la provocation sur le derrière aussi, quoi. Neymar, s'il prouve pas cette Coupe du Monde, c'est maintenant ou jamais. Peut-être pas maintenant ou jamais. Il est mal parti parce que son but, ok, il a marqué un but, mais dans le match, il sert pas à grand chose. Ah ouais, il sert pas à grand chose. Trop superflu encore dans son jeu. Il est pas décisif. Et toi, Romain, joue plus sain, garçon. Moi, je vais rester sur le positif et puis parler d'équipes dont on n'a pas encore parlé avec le Mexique. Le Mexique, oui, moi, qui me fait vraiment plaisir dans cette phase de poule. Alors, on parlait des questions de points. Du coup, il y a un groupe où on a 4 points pour le Japon, 4 points pour le Sénégal, 3 points pour la Colombie. Et avec une situation donc assez particulière et compliquée. Mais ça peut être le cas dans le groupe du Mexique où effectivement, ce qui est dur pour le Mexique, c'est que s'ils perdent contre la Suède et que dans le même temps l'Allemagne bat la Corée du Sud, ils peuvent être sortis de la compétition avec 6 points. Ce serait énorme. Alors que d'autres passeront sans doute avec 4 points. Pour autant, moi, je les vois pas trop perdre effectivement contre cette Suède, notamment parce qu'ils m'ont montré vraiment de très belles choses. J'ai beaucoup apprécié cette équipe. Comme ces équipes latino qui ont toute une glinta, une façon de jouer, c'est pour ça que je voyais bien le Colombie et Mexique en outsider parce qu'ils sont toujours des équipes faudra quand même sortir et vraiment c'est ça joue quoi au ballon c'est débattant s'ils sortent de la compétition enfin si je veux dire si je veux pas leur porter malheur au contraire s'ils sortent de la phase de poule pour jouer des huitièmes de finale je pense que ça peut être un bon outsider au moins pour l'écart après effectivement hein, sur un match il peut se passer tout mais cette équipe a eu souvent du mal à passer du huitième de finale pour passer en quart je pense que là ils ont une bonne opportunité ça fait 6 fois et avec notamment chaque fois contre des gros hein, si tu regardes 98 Allemagne 2006 Argentine et de juste à chaque fois donc c'est chaque fois un outsider et sans développer de trop sur le Mexique avec deux joueurs qui m'ont beaucoup plu et maintenant qui vont risquer d'animer d'ailleurs très fortement le marché des transferts qui sont Herrera qui joue au milieu de terrain à Porto et également Irving Lozano qui est un des meilleurs joueurs du championnat des Pays-Bas pour PSV Eindhoven qui est un sacré bon joueur de ballon et qu'on annonçait à la Juve et en balance aussi entre le Real et le Barça donc vraiment un beau joueur en tout cas qui fait les gars un super début de Coupe du Monde et voilà un groupe en plus entouré de certains cadres je pense à Vela Marquez ou autre qui arrive à créer cette osmose et avec aussi tout un peuple derrière cette équipe ça me permet de le saluer j'ai un ami mexicain qui est à la Coupe du Monde en ce moment en Russie et je suppose qu'il doit se régaler il est en fusion on parlera pas évidemment de la préparation mexicaine pour ce mondial. On en a déjà parlé. Qu'on le veuille ou non, les Français ont peut-être dû la faire. Tu parles de Français justement. Parlons-en des Français. L'équipe de France qui a joué contre le et Pérou. Et aussi, je parlais. Donc, du coup, on ne parle pas sur ça. L'équipe de France qui a gagné contre le Pérou 1-0. C'est compliqué pour nos Bleus. C'était compliqué. Est-ce que on peut dire que l'équipe de France vous a rassuré ou non pendant 45 minutes? Ouais, je pense qu'on a à peu près le même constat, quoi. C'est que la deuxième mi-temps était vraiment affligeante. Ouais. La première mi-temps m'a rassuré, la deuxième mi-temps m'a inquiété. Ah, pour un match de Coupe du Monde, honnêtement, c'est indigne. Par contre, juste faites gaffe. On se coupe la parole d'autant plus sur la France. Pour moi, autant je pouvais pardonner le manque de fond de jeu, d'envie sur certains matchs amicaux ou même de qualif. Après, c'est la dèche. Mais là, on est en Coupe du Monde. Tu peux pas faire une deuxième mi-temps comme ça, quoi. Sans blague. Même dans ne serait-ce que dans l'envie, je parle pas techniquement ou même tactiquement, mais ne serait-ce que l'envie, là t'es faut pas oublier que t'es en Coupe du Monde, quoi. C'est un moment unique pour certains joueurs, c'est une des plus grandes compétitions du monde, tu peux pas jouer comme ça sur toute une mi-temps, quoi. Mais à l'inverse, je trouve que certaines individualités se sont distinguées sur ce match. Je trouve que Paul Pogba a retrouvé un peu son niveau et j'ai surtout retrouvé un numéro 9, Giroud, qui a vraiment servi de point d'appui durant toute la rencontre, qui a été important d'abord offensivement, mais aussi défensivement, où c'était vraiment le premier à chaque fois à vouloir contrer le bloc. Il a un impact physique, c'est indéniable, même s'il y a toujours des gens qui critiqueront son style ou tout ça. Lui, il a une telle générosité et une telle science de l'attaque, en fait. Il sait où se placer, il sait comment peser sur une défense, et forcément, quand tu l'as, même si c'est pas le plus adroit, il apporte toujours quelque chose à l'attaque. Puis il peut faire basculer une rencontre sur les défenses, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui attire marquage et qui va pouvoir éloigner des défenseurs et du coup accaparer l'attention pour justement libérer ses partenaires. Ouais, voilà, c'est intéressant de voir finalement le jeu sans ballon de Giroud qui est c'est ça. Très important dans le jeu de l'équipe de France, surtout par rapport aux joueurs qu'il a autour de lui, qui peuvent bien se déplacer autour de lui, faire des appels. Mbappé, quand il part à côté de lui, une déviation de Giroud. C'est que du bonheur. C'est quand t'as un mec à côté de toi comme ça, c'est que du bonheur. Et Mathieu dit déception. Mais bon, ouais. Le pauvre aussi, il n'était pas à sa place. Voilà, on peut en débattre justement. Pareil, dans l'impact, tu parlais d'impact tout à l'heure des joueurs, Guillaume, je crois. On est en Coupe du Monde. Ouais, pourtant, il n'était pas là. Je pensais pas ça de lui, mais il n'était pas. Pas, voilà, pas si fond, percutant pas que truc, d'habitude. Ouais. Beaucoup de générosité, je trouve, malgré tout. Comme de ouais, bon toujours, mais qui était un peu perdu à gauche. Après, il y a une histoire de carton jaune aussi, il me semble, non? Il n'avait pas pris un jaune ou... Je vais revenir justement juste après. Romain, peut-être un mot sur la victoire de l'équipe de France. Oui, bah, effectivement, j'attendais un petit peu comme à l'Euro 2016 que ce second match soit vraiment le match où on se lance dans la compétition, on se libère et on fasse du jeu. Et donc de ce côté-là, je vous rejoins tous sur le fait que j'ai été un petit peu déçu qu'on ne soit pas capable d'être plus prolifique, voilà, de montrer ces choses offensives, par exemple, bon, même si le Pérou, hein, on est d'accord, ce n'est pas la Tunisie ou le Panama, mais qu'un peu la Belgique ou l'Angleterre ont été capables de faire dans cette phase de groupe. Après, pour autant, voilà, on va pas s'avérer malheureux, on a 6 points, on a qualifié en 8ème, on a l'opportunité de sortir premier de cette poule, et côté satisfaction, parce que je préfère parler de ça, et puis les matchs de poule, c'est toujours particulier, ce que j'ai bien aimé, c'est de voir vraiment quand même une épine dorsale un peu se dessiner. Voilà, à chaque ligne, il y a un joueur qui m'est apparu extrêmement important. Alors certains, on n'est pas surpris, c'est pas une découverte maintenant, mais tant mieux s'ils peuvent l'être. À l'inverse, il y en a d'autres où ça pose question et on pourra y venir justement sur une nouvelle composition contre le Danemark. Moi, j'ai vu quand même un Hugo Lloris qui me décevait beaucoup dans les dernières sorties. Là, il est très concentré, et depuis le début de cette Coupe du Monde, qui est très concentré dans ses matchs et qui nous fait une très belle entame. Raphaël Varane en défense, qui est vraiment solide et qui, pour moi, est le pilier de cette défense, justement, en l'absence d'un Umtiti pour le moment, un peu décevant. Et puis, je pense également à N'Golo Kanté, bien sûr. Ah, il est incontournable. Qui est incontournable, et à Olivier Giroud devant, qui, au vu de ce qu'il a montré, que ça plaise ou non à certains, montre qu'il sera un titulaire en puissance pour les prochains matchs. Et j'espère, c'est ce qu'on attend de ce match contre le Danemark, qui permettra aussi enfin à Griezmann de se libérer et nous faire vraiment des bons matchs, parce que pour moi, c'est un petit peu le flop aussi de ces deux premiers matchs. Le prochain match de l'équipe de France, c'est donc demain, Danemark-France. À 16h. Allez, Didier Deschamps a annoncé qu'il y aurait des changements. Est-ce que vous pensez que justement le fait d'apporter quelques changements, ça pourrait apporter un peu de folie, et du coup les joueurs qui rentreront auront un peu moins de pression, seront frais? C'est Deschamps, attention, de folie. Fais gaffe avec les mots. Regarde, t'es quasiment qualifié. C'est pas bien ça qui va arriver. Tu es qualifié. Bon, certes, tu joues la première place. Ils vont jouer la pression. Les joueurs qui vont rentrer, ils vont avoir la dalle. Ah, mais c'est un coup à faire. Est-ce que c'est pas l'occasion un peu justement de se lâcher et d'envoyer les choses? Moi, je suis un peu partagé parce que je me dis effectivement ça va apporter un peu un supplément de motivation, parce que effectivement les joueurs qui vont rentrer et qui n'ont pas joué, ils ont tout à montrer, ils vont avoir de la détermination. Et en même temps, t'arrives au troisième match où t'as pas énormément de certitude, et c'est là que tu dois commencer à vraiment avoir une équipe vraiment fiable et vraiment figée, quoi. Et là, je suis même pas sûr que Deschamps ait tous ces 11 dans la tête. Je pense que c'est pour ça qu'il fait tourner, qu'il sort un mec comme Dembélé qui fait rentrer Lemar. Dembélé joue. C'est Griezmann qui sort. C'est Matuidi qui sort. T'as Matuidi qui sort, c'est Dembélé qui rentre à gauche, et à droite, Mbappé sort, et c'est Lemar qui rentre. C'est l'inverse. Bref, Lemar à gauche, Dembélé à droite. Tout ça pour dire que Lemar a un vrai coup à jouer, parce que. Il doute encore au troisième match poule de Coupe du Monde. Voilà, moi je pense pas qu'il y en ait plus de certitude que ça. Moi je pense pas que ce soit un doute. Non, je pense enfin, peut-être sur Dembélé, un joueur ou deux. Je suis pas si sûr que Dembélé. Mais je pense que c'est surtout de la gestion et du physique et des cartons. Ah, faut savoir les cartons. Quand t'es Pogba, s'il joue pas, et voilà. Tolisso. Tolisso, Matuidi. Sur ça, je suis d'accord. Il faut un turnover parce qu'effectivement, ce troisième match, il est quand même important. Ça a mobilisé les autres joueurs qui ont moins de temps de jeu habituellement. Et puis, bon, il y a effectivement des joueurs de qualité sur le banc. Il y a des places à gagner, quoi. Parce qu'en plus, une compétition, j'espère, si elle est longue, ben, il faudra avoir besoin des remplaçants au top et déjà investis dans la Coupe du Monde à 100%. Quoi. Romain, après, donc, il faut du jeu. Après, ouais, on peut être cynique et regretter. C'est clair qu'il doute encore et qu'il n'ait pas son 11. Mais on pourrait aussi un peu se révolter si maintenant on nous proposait la même chose à tous les matchs. Alors qu'il y a des lacunes évidentes, et que justement, ça montre aussi qu'il y a des chances, ça ne satisfait pas de ces petites victoires 2-1-0. Et donc, juste pour un petit peu donner cette équipe type qui est annoncée contre le Danemark. Donc on aurait Mandanda dans les cages, latéraux Sidibé, Lucas Hernandez. Donc Sidibé qui a peut-être un coup à jouer face à Pavard, à voir. Ouais, la charnière Varane, Kimpembe, qui permet de donner son match de Coupe du Monde à Kimpembe et aussi de montrer peut-être à Umtiti attention, il a une béquille à soigner aussi Umtiti et du coup Raphaël Varane sera capitaine. Et j'espère vraiment que Kimpembe va en profiter pour reprendre la place d'Umtiti. Pas pour cette année, je pense. Pas forcément une mauvaise chose, mais j'y crois moyennement. J'y crois moyen aussi. Au milieu, donc deux milieux relayeurs, N'Golo Kanté et Steven Nzonzi. Les deux opposés. Et voilà. Qui peuvent être complémentaires à avoir. Deux joueurs très différents, mais qui peuvent être complémentaires. Et donner de la stabilité à cette équipe. Et effectivement, sur les côtés, Lemar, Dembélé, Griezmann, un peu en étoile de cette équipe, en faux neuf. Et Olivier Giroud devant. Donc je pense qu'il y a des choses intéressantes et que notamment dans cette équipe, deux joueurs qui rentrent et qui ont une place à jouer sont sans doute Thomas Lemar et Djibril Sidibé. Ouais. Ouais. Et peut-être aussi l'occasion pour Griezmann de se relancer sur ce match. Je pense que cette équipe est même faite clairement autour de lui aussi pour pouvoir le mettre en valeur. On parle du fait que Antoine Griezmann aurait sans doute pu se retrouver dans la situation de se reposer sur ce troisième match et serait même lui-même qui aurait, alors bon ça c'est les ondits, hein, mais vraiment demandé de jouer ce match. Prépare la saison Atletico avec Lemar pour voir si la complémentarité. Ah mais à voir, ça peut être aussi des enseignements pour Simeone, t'as raison. Ouais. Bah, rapidement, moi il y a une petite surprise, on finira là-dessus, c'est la titularisation de de Lucas Hernandez à la place de Benjamin Mendy. Pourquoi est-ce que tu le prends et tu le fais pas jouer? Je pense qu'il l'a pris en pensant qu'il allait se mettre à niveau, qu'il allait monter en puissance avec les matchs. Et là, il est en train d'être un peu lucide et il se rend compte que tu compenses pas une saison avec 6 matchs de préparation et des entraînements intensifs. Sauf qu'il a fait ses matchs. Il a fait deux bouts de match avec l'équipe de France pour les matchs de préparation. Ouais, mais des matchs qui peuvent tenir 90 minutes. C'est ça. Autre chose. Le problème, c'est que Benjamin Mendy, c'est un latéral et on change pas une équipe. On change pas les 4 de derrière pendant un match. C'est ce que je me suis dit. Alors si Benjamin Mendy il est cramé au bout de 60-65 minutes parce que les matchs de préparation c'est pas le rythme de la Coupe du Monde. Tu te gâches un renfort offensif à part de faire du bricolage en mettant Matuidi, ça serait la galère. Je pense que c'est la raison. Ceux qui rentreraient potentiellement, donc on a Tovin, on a Fekir. Tovin jouera pas une minute, je vous l'annonce direct. Ah moi je pense Fekir est un perdant du temps. Tovin jouera pas une minute. Tovin, Fekir et après qui d'autre? Mbappé, je pense que tu le fais souffler jusqu'à la fin. Ouais, il faut rentrer Fekir et Mbappé en galère peut-être. Ouais. Mbappé, je pense qu'il rentrera. Ah oui, je t'annonce que Tovin ne jouera pas une minute. Mmh. C'est possible, malheureusement. Si jamais c'est pas ça, on fera un défi la semaine prochaine. Je dois noter une phrase. Ça marche. Vas-y, je te parie une pinte. Ça marche. Ouais, Fekir est un perdant du turnover. Là, je l'attendais titulaire. Le truc, c'est qu'il aurait pu jouer qu'à la place de Griezmann dans ce système. Parce qu'à droite, il est pas très, c'est pas son poste qu'il aime. Un match de Coupe du Monde. On fait encore des matchs de Coupe du Monde. Sûr, messieurs, c'était la fin de ce débat passionnant. On en reparlera évidemment la semaine prochaine. Toujours un partout, en fait. Et avant de passer à la suite, effectivement, petit point sur les scores. À la 36e minute de jeu, un partout entre l'Espagne et le Maroc, but de Boutaïb et de Isco. Et 0-0, un beau 0-0 entre le Portugal et l'Iran. C'est une surprise. Et puis le 0-0. Match que suit Guillaume à mes côtés pour vous informer. Merci Romain, je vais bientôt te redonner la parole parce qu'on va arriver au moment que tout le monde attend, c'est le quiz. Bon, j'attends pas moi. Sport and Chill, le quiz. Et c'est Romain qui nous l'a concocté, ce petit quiz de qualité. Mets ton classeur Romain à côté parce que là je vois la parole. Il faudrait pas que tu triches, voilà, ce serait pas bon. Juste je me permets, surtout qu'il triche souvent Riflo, donc en vous expliquant ce quiz, de faire ma petite feuille à point pour mes collègues. Vous faites, on se la joue en individuel, messieurs, pas d'équipe. Ouais, non, c'est pas d'équipe. Allez, moi j'aime personne ici, de toute façon, allez. Ça c'est dit au moins. Moi qui ai demandé. Donc concernant donc ce quiz, moi je vous présente, ça reste assez classique. Questions multisport, des questions historiques, des questions plus proches de l'actualité. Il y aura des questions rapidité autour de table, je vous le dis. Et puis il y aura notamment des petites biographies. Vous pourrez m'arrêter à tout moment pour me donner la réponse quand vous l'avez. Et Paul n'est pas encore là, donc j'en profite pour marquer vos petits noms. Donc nous aurons pour ce quiz Paul, Guillaume et Guillaume Bis. Qui est le Guillaume Bis? C'est la question. Et enfin, Tim qui est parmi nous. En poste. Après, attention. Hein, fidèle au poste comme toujours et que j'espère brillera sur les questions. Position et tennis. Bon, notre animateur en chef s'est fait la malle, mais justement, vous allez pouvoir peut-être prendre de l'avance avec une première question. Mais qui est une question. Fidèle anglaise. Qui est une question rugby. Donc, à voir si vous allez la trouver et si ça peut être dur pour lui de perdre ce point. Le seul point qu'il va lui prendre. La France rencontrera l'Argentine en phase de poule de la prochaine Coupe du Monde 2019 de rugby au Japon. Une équipe également en difficulté cette dernière saison, je parle de l'Argentine, après avoir flambé en Coupe du Monde lors des dernières éditions. Les Argentins ont été notamment étriés face à l'Écosse, comme je le disais dans les résultats le week-end dernier. Mais au fait, combien de matchs les Argentins ont-ils gagné lors de leurs 24 dernières rencontres internationales? Combien de matchs ils ont gagné sur les 24 derniers? En sachant qu'ils viennent de perdre le dernier, du coup. Et qu'ils sont dans une phase plutôt négative. Ouais, bien vu. Tour de table? Tour de table, j'ai pas précisé, et nous démarrons par Guillaume à ma droite. Tiens. Ah, je dirais 7. 7 pour Guillaume. C'est combien ils ont gagné ou perdu? Combien ont-ils gagné? À gagner, voilà, c'est ça. De matchs. À gagner. Mais ça peut être peu. Oui, ouais. Bien sûr, merci l'indication. Bah, sachant que. Non, mais sachant qu'ils sont dans une spirale négative, ils sont a priori par un bilan positif. Allez, je peux vous aider beaucoup plus que ça. Je vais dire 11. 11. Et pour mon Guy. 9. 9 pour toi. Et puis finalement, bah, ce point va revenir à Guillaume juste à côté de moi. Sachant que Paul n'est pas là et je fais le défaut du quiz, je fais sans lui pour le moment, mais je sais pour un pourquoi match il est absent, perdu c'est pour régaler en fin d'émission nos auditeurs, j'en suis certain. Donc pourquoi c'est pas 7, mais c'est encore moins que ça, c'est totalement fou. Voici le topo pour l'Argentine, 3 victoires. Une contre le Japon, une contre l'Italie et une contre la Géorgie. Donc c'est pas des victoires en plus qu'ils font rêver. Lors des 24 dernières rencontres, pour leur sélectionneur, un bilan donc de 15 victoires et 39 défaites pour ce sélectionneur Daniel Ourcade qui a démissionné et le Four Nations qui arrive à la fin de l'été, du 8 août au 6 octobre, et donc qui s'annonce assez difficile pour les Argentins qui devront essayer d'améliorer leur bilan tout en jouant l'Afrique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc premier point pour Guillaume qui était le plus proche. Ça va, ils sont pas dangereux pour la Coupe du Monde du coup. Ouais. Sur le papier, ils sont pas si dangereux en étant dans notre groupe, mais voilà. Opposition, le moi est devenu inoffensif. Exactement, opposition assez intéressante entre deux équipes un petit peu malades de notre rugby international actuel. Comme nous, alors. Deuxième question, tiens, je vais sauter. Il y avait une deuxième question rugby, on y reviendra plus tard si Paul revient avec nous. Qu'est-ce qu'il fait là? Le tournoi de Halle de tennis que notre cher Roger Federer trust depuis le début de sa carrière a vu la surprise du chef Borna Koric l'emporter en finale à la surprise générale. Vous ne le savez peut-être pas, mais un Français a gagné ce tournoi sur gazon, rapidité du calendrier. Et qui a été ce tournoi qui a été rendu célèbre donc par le Suisse Roger Federer. Gasquet. Quel est ce Français? Non. Julien Scudé. Non, mais effectivement, c'est assez ancien. Mais Nicolas Scudé. Arnaud Clément. Ce n'est pas Arnaud Clément. Sébastien Grosjean. Non plus. Fabrice Santoro. Non plus. Petite indication, c'était dans les années 90. Guy Forget. Tout début des années 90. Henri Lecomte. On n'est pas si loin, et c'est Henri Lecomte. Ben. Bien trouvé par Guy. Alors j'ai. Pas Guillaume qui est à côté de moi, mais je vois que l'aide temporelle a été utile et puis qu'il a fallu quand même citer un certain nombre de noms, un peu en mode on dit tous les joueurs de français. C'est pas notre génération, hein, Henri. Mais, c'est pas notre génération, Henri Lecomte, effectivement. Deuxième question, qui est une question de tennis, donc Guillaume a 2 points. Wimbledon, comme vous le savez, arrive à grands pas. Il a fait le combien sont-ils à l'avoir emporté depuis 1997? Excuse-moi, tu peux répéter la question, j'ai pas entendu. Combien de joueurs dans les 20 dernières années, c'est pour ça que je dis 1997, les 20 dernières éditions, pardon, ont remporté Wimbledon. Combien de joueurs différents l'ont remporté? Donc tour de table là-dessus. Et on démarre par... allez, Guillaume à ma droite aussi, parce que celui-ci a 2 points pour le moment. Je dirais... J'en ai 7. T'en as 7. Tu as les 7? Ouais. Dis-le. J'allais dire 7 justement, mais j'ai pas les 7. Hein. 5 là. J'en ai 7 et il me manque l'année 2000. Moi je vais dire 8. 8 8 pour Guillaume et pour Tim. 7, sur 7, moi, 7 aussi. Allez, peut-être que Paul va pouvoir participer à cette question. Combien de joueurs, pour toi, différents, ont remporté Wimbledon dans les 20 dernières éditions? combien de joueurs différents sur 20, depuis les 20 dernières, 20 dernières depuis années Depuis 97 en gros. Ouais. Alors, je vais dire... j'étais pris un peu de cours là. Ouais, je sens quoi là. Sachant que Roger il a gagné combien de fois? 8 fois cette fois? Non, 2 fois. 8 fois. Ah, il faut la dire. Enfin, 2 fois. Alors, je vais dire. 10. 10. Ambitieux. Ouais, ambitieux. Mais ouais. Que ceux qui ont 17 me disent lesquels ils ont trouvé. Alors, les 4 premiers. C'était bien ça Murray, Djokovic, Federer, Rafa, Nadal, Pete Sampras, Leighton Hewitt. Sivic. Goran Ivanisevic. Non. Ah putain, Ivanisevic, ce serait belle. 2001. Ouais. Et j'allais dire pas Rafter, mais non. Il est bas en 2001, en finale. Et ouais. Donc c'était bien 7, et tu les as tous. Ben. Tu les as tous. Ben. Entre 1997 et 2000, Pete Sampras. Donc bon, Vincent, un point pour place. Guillaume et un point pour Tim, qui avait 17 également. 1997, 98, 99, 2000, Pete Sampras. 4 fois d'affilée à ce moment-là. Enfin, même peut-être avant. Hein. Je suis parti de 97. Pas si mal. 2001, Goran Ivanisevic. Attendez, est-ce que j'en ai... Vraiment rien à dire là, félicitations. J'espère que j'en ai pas oublié un. Leighton Hewitt, tu l'avais dit. Oui, il l'a dit. Ouais. 2002, oui. 2003, 2007, Roger Federer. 2000, sans discontinuer. 2008, Rafa Nadal. 2009, Federer. 2010, Nadal. 2011, Novak Djokovic. 2012, Federer. 2013, Andy Murray. 2014, Novak Djokovic. Et 2015 également. 2016, Andy Murray. Et 2017, ça fait 8. Roger Federer. Rafa, là, attention, ça fait bien 7. D'accord. Petite intervention directe pour vous signaler l'ouverture du score du Portugal. Portugal. Avec la spéciale de Quaresma, un extérieur pied droit exceptionnel en pleine lucarne de l'extérieur de la surface. Un peu de à la 45e minute, 1-0 Portugal. Enchaînons le quiz. On l'a pas bien, messieurs. Team, hein. Très bien, l'info est donnée. Le score ne bouge plus. Hein. Prochaine question sur la Ligue des Nations de volley, les gars. Où dis-tu ? La France a brillé pour le moment dans cette phase de poule de la nouvelle formule de la Ligue mondiale, comme on a pu vous le dire dans les résultats. Mais quelle sélection est la plus titrée de cette compétition ? Rapidité. En volleyball ? Brésil. Brésil. Oh là ! J'allais dire rapidité. Guillaume est à 4 points quand même et Tim 1 point. Je trouve que. Ah, il est magnifique le but, ouais. Que ça se complique. Ah, il est complètement débile. On reste concentré, on regardera les buts de la Coupe du Monde ensuite. Je profite des faiblesses de l'adversaire. Nos auditeurs eux-mêmes vont regarder le match au lieu de nous écouter s'ils ne le font pas déjà. Non, c'est nul en fait. Donc c'était bien le Brésil. Le Brésil avec 9 titres en 28 participations domine le palmarès devant l'Italie avec 8 titres et la Russie avec 3 titres. Guillaume 4 points, Tim 1 point. Guillaume historique, si je puis dire, depuis 3 saisons présent, 0 point, fidèle à lui-même, moins historique sur le quiz. Et de même pour Paul. Prochaine question. L'Open de France de golf a lieu tout au long du week-end prochain. Cette compétition mythique dans notre pays existe depuis de nombreuses années, mais cette année, nous jouerons l'édition numéro combien ? Et on démarre par Paul. Combien d'éditions de l'Open de France ? Ça varie, hein, en joker. En inside. Je sais même pas si c'est historique. C'est historique. C'est historique ? Sinon, je vous mets trop dans la difficulté. Vraiment, et on y va, messieurs. Ouais, aucune idée. On va se calquer sur ce que tu as, t'en as aucune idée. Moi, je vais limite dire c'est le premier, tu vois. C'est le premier. Non. C'est ça, c'est historique. D'accord, donc je vais dire c'est le 37ème. Quoi d'historique si c'est le 37ème? 37, je sais pas, ça me vient bien. Je crois qu'il n'y en a pas tant que ça. Hein. Ah, Romain. moi je dis rien, par contre ce serait bien de vous accélérer les gars. Allez. Sinon on s'en sortira. Allez, pas. Donne réponse, gros. Allez, 10. 10. 25. 25. 50. Ah, les gars, vous êtes loin du compte. Et j'ai quand même dit que c'était historique. Si pour vous c'est historique, c'est quand 100, on sait que le Tour de France c'est ainsi. Paul, dommage pour toi, tu as passé ton tour. Et donc c'est Guillaume qui se retrouve le plus proche avec 50, c'est qu'il y a déjà 5 points. Mais c'est la 102ème édition de l'Open de France de golf. Pour le petit point d'histoire, donc c'est le plus ancien et le plus important tournoi de golf d'Europe. Pas très loin, moi. Continental. Il existe depuis 1906 qui a au golf de Paris. Qui a lieu maintenant, je crois que c'est dans les Yvelines. 51, ouais. Ce qu'on appelle donc le golf national. Oh, et donc c'est une épreuve officielle du tour européen PGA, première division, depuis la création de celui-ci en 72. Il se dispute donc chaque année vers la fin du mois de juin. Donc c'est à venir entre l'Open américain et l'Open britannique. On est à 5 points pour Guillaume. Combien de victoires françaises au GP de France ? Hop, on passe d'un coup rapidité. GP de France, tout confondu ? Formule 1. Tout confondu. Manicourt, Castellet. Alain Prost. Et on démarre par l'expert F1, Guillaume en face de moi. C'est pareil, on va se craquer sur toi aussi. Hein. Je vais dire. Et on essaye d'accélérer, messieurs. Je vais me faire engueuler sur le quiz. Allez, Guillaume, on va dire réponse. Allez, je vais dire 4. 4 victoires françaises. 6. 9. 9. Ah, j'aurais dit 7. Ah. J'ai l'impression que Guillaume va vous mettre une pâtée aujourd'hui. Ce qui dit 9, non. Et c'est même 11. Tant que ça, dont 6, 11, et... rien que pour Alain Prost. Non, et puis je salue un auditeur fidèle. C'est Alex qui était là la semaine dernière qui allait me trouver cette petite question à vous poser. Il y a un 6-1-0-0 qui est un peu dur, les gars. Je trouve qu'à chaque fois que Guillaume vient, il gagne un peu trop souvent. Donc c'est la troisième fois qu'il vient. C'est gênant, les gars. Franchement, je suis. Petite question biographie. Merci à vous de suivre attentivement. Je suis né à. Vous pouvez m'arrêter à tout moment. Je suis né à Sao Paulo, dans le pays du football et des 5 titres de champion du monde à ce jour. Mes idoles étaient Pelé et Ayrton Senna. Ah merde. Avant de devenir fan également par la suite, bien tenté, étant jeune, de Nelson Piquet. J'ai réalisé ma première compétition élite en Australie au sein de l'écurie Sauber. Ce jour-là, je suis impliqué dans un énorme carambolage. Massa. Ah là, il y a eu même collégial. Mais c'est bien Felipe Massa et Paul et Guillaume ouvrent leur compteur. Je termine en bref. Je suis recruté comme pilote d'essai pour la Scuderia Ferrari en 2003, en bénéficiant d'une formation Sauber, privilégiée aux côtés de Michael Schumacher. Après un retour chez Sauber lors des saisons 2004 et 2005, je reviens vers Ferrari en 2006 comme pilote titulaire, en réalisant 269 courses sur le circuit pour 16 pole positions, 41 podiums et 11 victoires. J'ai arrêté ma carrière la saison dernière à la suite du dernier Grand Prix d'Abu Dhabi. Je suis le dernier vainqueur français, vainqueur tout court du GP de France à Manicourt. Je suis Felipe Massa. Ouais. Très grand pilote et malheureusement, il a échappé le championnat du monde à la dernière course. Ouais, en 2008. Face à Hamilton, ouais. C'était dommage pour Felipe. Et maintenant, on passe à la Coupe du Monde. C'est quand même l'événement majeur du moment. Et voilà, messieurs, Guillaume, rapidité également. Quelle est la dernière fois que l'Argentine n'a pas gagné ses deux premiers matchs de Coupe du Monde 1930. En phase de poule? Non, c'est pas vrai. Et on démarre par Paul, sachant qu'il est blagueur. Non, en vrai, si j'ai vu cette stat, mais je m'en souviens plus du tout. Ouais, c'est dur. Hein. Donc, l'Argentine n'a pas gagné ses deux premiers matchs. On va faire un tour de table. Du coup. Donc, ouais. Je vais dire 1900. Oh là là. 66, c'est possible? 66, ouais, c'est possible. Moi, je vais dire 1981. Et je rigole. Mais non, il n'y a pas les Coupes du Monde en 1980. Laquelle alors? Allez, qui me premier degré? Allez, je vais dire. Non, je pense qu'il m'a compris. C'était un contre. On se connaît. Hein. Allez, je vais dire 82. Allez, ouais. 82. Il m'a indiqué comme ça. Team Lob. 74. Attends. Ah, il n'y a plus de changement possible. 78. Parce que là, je crois que 78. Et Tim a la bonne réponse. C'est bien 1974. Et ça m'arrange parce que là, j'aurais pas pu donner un point à une réponse fausse. C'était contre qui, du monde. Il me semble que c'est contre la Colombie, mais à confirmer. La Colombie et l'Angleterre, je crois. Je suis pas bien sûr de ce que tu as dit. Donc c'était des défaites, je le dis, parce qu'en plus c'est une équipe éliminée actuellement. Et deux équipes d'ailleurs éliminées, si je puis dire. Défaite 3-2 contre la Pologne lors de la première journée et un partout contre l'Italie au deuxième match. Éliminé aussi de fait n'ayant pas participé cette année, comme vous le savez. L'Italie, ouais. Ceux qui te font passer les pizzas en ce moment. Ouais, j'allais dire d'ailleurs, est-ce que vous avez vu que cette entreprise de pizza, cette pizzeria quoi, baisse de 50% de ses prix à chaque match de l'Italie à la Coupe du Monde. Et ouais, c'est une excellente blague, je trouve, cette rapport à cette pizzeria. Ouais, d'accord. Ils ont déjà 4 chances. Bien. Quoi, yes, allez, oh merde, next. C'est drôle. Next. On va couper ça en montage. Anecdote, il y a, je sais plus que où, il y a un bar qui offre des tournées à chaque fois. Oui, des shots avec des simulations Neymar là. Ouais, elle est belle. Je ça. Je l'ai vu et c'est d'ailleurs au Brésil. Donc. Belle petite auto-dérision. À l'époque, on verra ce qui se passe, mais l'Argentine avait fini par se qualifier pour le second tour. Il y avait une seconde phase de groupe, j'ai découvert ça par la suite. Contre la modeste équipe d'Haïti, 4-1, tu me diras, c'était bien le moment de finir par gagner un match. Bah, à l'époque, Haïti, c'était pas si mal que ça. En même temps, s'ils avaient perdu, ça aurait fait l'effet d'un séisme. Et par contre, ils avaient fini par se faire sortir dès le tour suivant dans une seconde poule difficile. Nous passons donc à mon avant-dernière question, parce que sinon, on va être en retard. Je démarre ma carrière en junior à l'âge de 13 ans à Envigado, capitale du département d'Antioquia. En janvier 2008, le club argentin de Banfield me fait venir. Alors là, celle-là, elle est impressionnante. James Rodriguez. J'ai un pote, enfin, mon meilleur ami a beaucoup d'amis colombiens et il vient de ce village-là, son pote. Donc ça triche. Quand j'ai entendu le nom, direct, j'ai pensé à Rames. T'es tombé dedans quand t'étais petit, quoi. Parce qu'il me le chinait chaque fois. Ah ouais, mais je viens de la ville de Rames et tout. Quel nom du village? Antioquia. Antioquia, voilà, c'est ça. Il y a un alcool qui vient là-bas, d'ailleurs. Bien joué. Alors, du coup, je vais la lire très rapidement et sauter des parties. Je pense qu'on va pas faire la biographie de Rames non plus. T'as 5 points, ça. Mais donc, le club argentin de Banfield qui rejoint en 2008, il marque son premier but avec ce club avant de marquer son second pour un but très important, sachant qu'il permet à son club de remporter le titre et le premier titre de l'histoire pour ce club argentin en 2009. Et d'ailleurs, lorsqu'il avait marqué son premier but, petite stat aussi sur Rames, c'était le plus jeune joueur étranger à marquer un but dans le championnat d'Argentine de football à 17 ans. Ça plaçait déjà le bonhomme. Ouais, c'est beau. Il a joué donc à Envigado, Banfield, le FC Porto, l'AS Monaco, le Real Madrid et le Bayern. Il porte le numéro 11 dans son club actuel et le 10 en sélection. International depuis 2011, meilleur buteur de la Coupe du Monde 2014. J'ai réalisé un match, j'ose le dire quand même, d'anthologie contre la Pologne. Il était au four et au moulin hier soir pour permettre à sa sélection de continuer à croire en la qualification. 3-0, je suis Rames Rodriguez. James. Allez, t'es allé très vite, donc ça me permet de faire mes deux dernières petites questions. Quelle sélection a joué le plus de finales en Coupe du Monde, messieurs? Pays-Bas. Allemagne. Oh là, mais il y a Guy qui revient juste avant la dernière question. Moi, c'est la Coupe du Monde. Dans le game, c'est l'Allemagne. Je suis un désolé. Ce qu'on vous a pas dit, c'est que Guy, en fait, connaît les réponses depuis tout à l'heure, mais il fait exprès. Ah, pour mettre un peu de suspense. Là, j'aurais dit Brésil, tu vois. Mais on est à 6-3, et ce qui est fou, c'est qu'il y aura 4 points sur la dernière question. Ouais. Non, même pas ça. L'américaine. Allez, 4 points. Dis-moi, c'est une question de rugby. Donc, l'Allemagne a participé à 8 finales, 4 victoires et 4 défaites. Quant au Brésil, a pris part à 7 finales. Toutefois, le Brésil a remporté 5 finales et connu seulement 2 défaites. Meilleur ratio. Désolé, question rugby, il y en avait même une en plus, mais écoute. Mais le temps nous presse. Le temps nous presse. Et donc, je vais faire la question qui va être contextuelle par rapport à France-Danemark, qui aura lieu donc demain, on vous le rappelle, à 16h. À l'époque, donc en 98, je remonte il y a 20 ans, la France était déjà opposée au dernier match de poule contre le Danemark. Lens était champion de France. Donc c'était à Gerland. Et Lens, pour saluer Flo, était champion de France. Tour de table, messieurs, quel était le 11 titulaire? Le premier qui fait une erreur disparaît. C'était le dernier match de poule. Donc, en 98, et la France avait gagné 2-1 contre le Danemark. D'accord. Donc dernier match titulaire. L'équipe titulaire. Zizou, au revoir. Paul, pas la soirée, il était suspendu. Ouais. Et oui, il a pris rouge contre l'Arabie Saoudite. Donc next. C'est dommage. Foutier, c'est moi qui anime ce soir, c'est moi qui décide. Je reviens. Non, bien sûr, pas Zizou. On passe à Guillaume. Je suis pas sûr que tu reviendras en jeu parce qu'on n'aura pas le temps. Barthez, pour le coup, exceptionnellement. Barthez, on est bon. On a mal. De Saï. C'est le premier. De Saï, on est bon aussi. Guillaume. Il y aurait Djorkaeff. Yuri Djorkaeff, on est bon. Lilian Thuram, au revoir. Patitu ? Bonne soirée. Patitu, il n'est même pas rentré en jeu, si tu veux, j'ai mis les remplaçants. Ah, elle est dure, celle-là. Donc il nous reste plus que Tim et Guillaume pour l'équipe 98. La Dèche, au revoir. C'est puni. C'est un troisième match, les gars. Je me suis dit qu'il le mettait Titu, quoi. Bon, bah du coup, Guillaume est un petit peu tout seul. Mais seul sur Mars. On va voir justement s'il peut en donner un. Benzema. Emmanuel Petit. Emmanuel Petit, il est bon, il n'y a rien à dire. Guillaume Amal, à côté de moi, est largement vainqueur pour le moment. Patrick Vieira, on est bon. Ouais. Alain Bogossian. Alain Bogossian, on est bon. Ouais. Enfin, rentré en jeu. Donc là, voilà, c'était pas de confort, mais il a joué. Dugarry. Non, blessé. la Coupe du Monde 98, les gars. Vincent Candela. Vincent Candela, oui. C'était un coiffeur. Il a joué. Titulaire. Franck Leboeuf. Franck Leboeuf, c'était pas un coiffeur. Bernard Diomed, titulaire à ce match. Guy Varche, rentré en jeu. Ouais. Belle. Christian Carambeau, titulaire. Oh, choqué. Et à gauche, arrière-gauche, qui c'est qui joue? Adrien Rabiot. Non, il vous manque un attaquant et un milieu offensif. Lizarazu, non? On l'a pas dit. Un attaquant et un milieu offensif. Robert Pires, titulaire. C'est fort. Thierry Henry, rentré en jeu. Thierry Henry, rentré en jeu à la place de Robert Pires. Et donc, il nous en manque un attaquant, et vous avez même dit tout le monde. Guy Varche, on l'a dit. Ouais. Un attaquant un peu important dans l'histoire de l'équipe de France. Papin. Papin. Okay. Papin, c'est bien avant. David Trezeguet. Tu l'avais dit. Autant pour moi, j'ai bien fait de le dire. Il obtient le penalty à la 10e minute. Voilà. David Trezeguet, bien vu. Et puis, tiens, ça permet de saluer le corps arbitral en cette Coupe du Monde. J'ai quand même remarqué que. Pas si mauvais. Bon, ça, je sais pas parce que je me rappelle plus vraiment du match. Mais à mon avis, c'était pas si mauvais parce que qui arbitrait ce match entre la France et le Danemark, d'un certain Peter Schmeichel, dont on aura le fils dans les cages demain. Bien sûr, monsieur Pierluigi Collina. Qui sacre du coup Guy à côté de moi. Alors bon, j'avais dit 4 points, mais c'était pour faire revenir dans le game. Donc on va être honnête. Le vrai score, Guy l'emporte avec 7 points. Devant le deuxième Guillaume, 3 points. Le deuxième quand même ce soir. Tim avec 2 points et Paul avec 1 point. Et nous allons pouvoir passer à l'agenda. Et j'étais ravi de faire ce quiz avec vous. Nous aussi, mon petit Romain. D'abord, petit pronom. Ah, j'oubliais. Va falloir aller très vite, les gars, par contre. Très vite. Ouais. Time. Excuse-nous, Tim. Bah, tu vas nous donner ton premier pronom. France-Danemark. 2-0 France. 2-0 France. Guillaume. Allez, 2-1. D'ailleurs, faudrait peut-être le noter. 2-0 France, 2-1. Guillaume. 2-0. 2-0 France aussi. Et j'ai mis 2-1 sur mon petit pronom. Alors, je respecte moi aussi. J'ai mis 3-1. Voilà. Je vois très les bleus scorer. Ils s'enflamment pas là. J'espère que Giroud et Griezmann marqueront leur premier but. Non, Griezmann a déjà marqué. Ils vont se lâcher, les joueurs. Ouais, j'espère qu'ils vont se lâcher. C'est 4-0 cette histoire. J'espère aussi. Petit agenda avant de nous quitter. On a eu Iran-Portugal, Espagne-Maroc, c'est en ce moment. Je sais pas, messieurs, si vous avez les. C'est la mi-temps, hein, partout, toujours. Et un 0 pour Portugal. Demain, donc évidemment, Danemark-France à 16h. L'autre match du groupe C, donc Australie-Pérou. Sinon, j'ai un Islande-Croatie et un Nigeria-Argentine. Ça va être décisif pour la qualification dans ce groupe. Ouais. Sinon, mercredi, comme match, j'ai le Mexique qui joue contre la Suède, l'Allemagne qui va jouer contre la Corée, Serbie-Brésil et Suisse-Costa Rica. Et je termine avec jeudi, sinon on en a pour encore trop de temps. Sénégal-Colombie, Japon-Pologne, Angleterre-Belgique et enfin Panama-Tunisie. Les huitièmes de finale auront lieu samedi, dimanche, lundi et mardi. 2 rencontres par jour. Romain qui a fait cet agenda, merci à lui. Respectivement, donc à 16h et 20h. Attention au boulot, 16h, 8ème qui joue, il me semble, le. Samedi. Qui jouera soit samedi le samedi à 16h, soit le dimanche à 20h s'ils sont deuxième de la poule. Romain, je te laisse annoncer l'agenda cyclisme. L'agenda cyclisme avec les championnats de France hommes et femmes contre la montre 28 juin pour les hommes et course en ligne 1er juillet. Championnat d'Allemagne, d'Italie, de Grande-Bretagne, de Suisse et des Pays-Bas et bien d'autres encore. Voilà, c'est les championnats nationaux avant le Tour de France. Tim, Wimbledon est dans une semaine. Voilà, et deux petits tournois avant, Eastbourne et Antalya. Des tournois que ne joueront pas les meilleurs. Non, c'est le genre de tournoi qu'Alizé Cornet joue par exemple. Et que gagne même pas. Pour les autres sports, donc en Formule 1, on a le Grand Prix d'Autriche qui aura lieu dimanche. 30 juin et 1er juillet 2018. 15h. MotoGP, Grand Prix de la Seine aux Pays-Bas. En golf, Romain, je te laisse le dire. Le HNA, je pense, je suppose, c'est un sponsor Open de France, donc, dont je parlais, au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Bien vu, du jeudi 28 juin au dimanche 1er juillet. Softball, on avait parlé avec les invités, donc. Que je suis tombé dessus par hasard, je le donne, c'est l'occasion ou jamais, et on le dira les autres fois d'ailleurs aussi. Championnat d'Europe Homme 2018 en République Tchèque, 12e édition du 25 au 27 juin, donc qui va avoir lieu à partir d'aujourd'hui tout simplement. Athlétisme Meeting de Paris-Saint-Denis à Reva, et en équitation même, voilà, allons loin, manche de Monte Carlo du Global Champions Tour, donc à Monaco, 13e édition du 28 au 30 juin. Et on a fait le tour de cet agenda qui est tout à fait exhaustif, je pense. Eh bien merci Romain, merci à vous mes chers auditeurs de nous avoir écoutés. Merci à mes chroniqueurs. Merci qui à vous, encore une fois été au top. Merci comme d'habitude. Ravi d'avoir animé à tes côtés. C'était à nouveau un plaisir et j'espère que Flo sera satisfait de nous en son jour d'anniversaire. Tout à fait. C'était un bon anniversaire à lui. Merci aux invités qui sont venus à Farah et à Sylvain pour parler de softball aujourd'hui. Belle découverte. Et on va se quitter sur un son de la semaine. J'ai pas réussi à trouver le commentateur malheureusement portugais qui était plutôt enjoué après le but de Ronaldo contre l'Espagne. Du coup, on va se quitter sur la petite musique d'N'Golo Kanté. Ça nous a tous marqué parce qu'il le mérite. Merci, bonne soirée à tous. Merci. Allez les bleus. Bonne soirée. À bientôt. Yeah. Il récupère, il distribue à Chelsea comme en Russie. C'est le gars sûr de notre DD, N'Golo Kanté. Quand il part, balle au pied, impossible de l'arrêter. Il fera tout ce que vous voulez, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, bada badada. N'Golo Kanté, bada badada. Il est petit, il est gentil, il va bouffer Léo Messi. Bientôt sur les Champs-Élysées, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, bada badada. N'Golo Kanté, bada badada. Il est petit, il est gentil, il va bouffer Léo Messi. Bientôt sur les Champs-Élysées, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, bada badada. N'Golo Kanté, bada badada. Il est petit, il est gentil, il va bouffer Léo Messi. Bientôt sur les Champs-Élysées, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, bada badada. N'Golo Kanté. Sport and Chill, tous les lundis de 19 à 21h sur Radio Campus Montpellier.